on va bien dès ce soir 20h pour la playlist partagée. Et sinon demain matin, 4h. Ciao. Le 6-9. 6h-9h. Sur Énergie. Il est notre invité ce matin, ça fait plaisir. David Guetta est dans le 6-9. Ouais. C'est un fifou ce matin, David. Je suis un peu choqué en fait. Là, je suis en train de lire la feuille que vous m'avez donnée. Là, je suis pas bien. On va écouter David Guetta avec Bébé Rexha le nouveau. Et en effet, il est pas bien, parce qu'on va faire un Radio World ce matin. Vous connaissez cette séquence, on appelle un peu partout dans le monde et on doit tenir une conversation d'une minute. Sache-le, on a déjà fait la Turquie, Portugal, la Suède, l'Islande, la Slovaquie il y a pas longtemps. Ouais. La Russie aussi. Ouais, ouais. Et ce matin, on va faire les Pays-Bas. Pour les Belges, c'est pas très dur. Ah si, mais oui, c'est ça qui... quand même, ouais. T'as un petit côté belge quand même, ta maman est Belgique. Oui, mais Wallonne, alors... Ça va pas l'aider. Je crois que tu préfères la Hollande que les Wallons. Alors, je vais te faire quand même écouter vite fait ce que ça donne avec le comment on appelle ça, la phonétique. Ouais. Hello. Allô. Ça c'est Hello. Bonjour. Comment allez-vous? Où gaat het? Oh la vache. Où gaat het? C'est bien. Et alors après, je voudrais réserver une chambre. Ik wil graag een kamer boeken. Oh la vache. Le matin, ça pique. Hein. Attends. Hello. Où gaat het? Où gaat het? Où gaat het? C'est très bien. Et après, je voudrais réserver une chambre. Ik wil graag een kamer boeken. Ik wil graag een kamer boeken. Ouais, si vous voulez des cours de néerlandais, Frisco, 0800-23456. Ah ouais, vous avez sauté une ligne là, parce que je me disais, oui. Mais ça... Attends, on peut tout faire, hein. Ik wil graag een kamer boeken. It will crack and camera booking. Ça va être énorme. Et après, en fait, néerlandais, c'est très simple, tu dois dire toutes les lettres que tu vois. Oui, voilà. C'est aussi simple que ça. Ambiance garantie. Ça veut dire ambiance garantie, c'est ce que je te promets. Allez, Tiffany, vas-y, compose le numéro, on appelle l'hôtel. C'est vrai? Donne-moi un stylo. Tiens. Mais là. Allô? Allô? Hallo, goedemiddag. Hoe gaat het? Ik wil graag een kamer boeken. Hallo, ik hoor helemaal niets. Ik wil graag een kamer boeken. Hallo, het spijt me, ik hoor helemaal niets. Ik ga de verbinding weer verbreken. Hallo? Van Vries gaat tot zaterdag. En plus, non, honnêtement, il l'a bien dit. Il l'a bien dit. J'ai compris, le vendredi à samedi. C'est eux qui parlent pas néerlandais. Mais moi, j'ai compris. Rappelle juste le tête pour leur dire que c'était David Guetta qui voulait réserver. C'est pas grave. On n'est pas obligé, franchement. C'est pas non plus que j'ai donné une prestation inoubliable. David Guetta qui était avec nous ce matin. Merci beaucoup d'être passé. Je rappelle l'album 7, 7e album déjà de David Guetta. Que des tubes, hein. Ouais, c'est un truc. Non, mais c'est My Name, s'il vous plaît. C'est My Name. Ah, on est bon. J'adore. Alors, par contre, je vais pas faire un album en néerlandais. Hein. Mais donc, t'imagines ce que subissent tes collègues Martin Garrix, etc. Ils parlent tous cette langue, hein. Ah, ben oui, je suis au courant parce que quand j'ai énormément d'amis hollandais et alors quand ils se parlent entre eux, mais vraiment, c'est-à-dire que ça fait des années que je suis ami avec des néerlandais et je n'y comprends rien. Non, c'est pas grave, nous non plus. On habite dans un pays où on parle néerlandais. C'est ça. Mais vous, à l'école, vous l'étudiez quand même, non? Un petit peu. En fait, on a le choix. Toi, tu étais meilleur élève, par exemple. Non, vraiment pas. On a le choix entre le français ou le néerlandais. Ça dépend où on habite en Belgique. Non, c'est très compliqué, la scolarité belge. Alors, on en a pour 10 émissions, s'il faut expliquer. T'as le choix entre le français et le néerlandais. Non, mais le français, c'est d'office. Parce que sinon, c'est en première langue, t'as belge, c'est quoi? Non. En première langue, on a français. Et après, on a le choix entre soit anglais, soit néerlandais. Ah oui, d'accord. Et donc, le trois quarts des gens choisissent l'anglais. On sait pas pourquoi. Ça a du sens. Quoi. Voilà. Oui. C'est assez logique. C'est vrai. Le nouveau David Guetta que vous retrouvez sur l'album. Hey, j'adore. Ah, et Bébé Rexha aussi, j'adore. Avec évidemment beaucoup de hits avec Bébé Rexha et avec J Balvin aussi sur ce titre très terrible. Avec Anne-Marie, avec Martin Garrix, avec Sia, très très très beau monde. L'album Seven de David Guetta, et j'espère qu'on va avoir l'occasion de t'en voir chaque année. Tu viens quasi à Tomorrowland ou Festival. Je n'en ai pas manqué un depuis le début. C'est vrai? Ouais. Ah, excellent ça. Je suis le seul DJ qui a fait tous les Tomorrowland depuis le début. Ouais, ouais. Et ben voilà, donc c'est pour cette année. C'est merci, merci beaucoup. Faites un maximum de bisous pour David Guetta qui était avec nous ce matin. Merci beaucoup d'être passé et tu reviens quand tu veux. La porte est ouverte et si tu veux parler néerlandais, on peut te donner des cours, il n'y a pas de soucis, t'as besoin. C'était comment? Ouh, arrête. Ouais, on va partir sur des cours. Ouais, hein. Retrouvez les meilleurs moments du 6-9 en podcast, audio et vidéo sur énergie.be. Je déambule sur les lignes du métro, crépuscule sans héros. Solitude dans le rétro, j'éteins mon mégot sur le cœur du Jedi, les yeux vitreux, je les mitraille. Un peu saoul sans matricule, j'écume la nuit noire, je consomme du bonheur que je perds sans savoir. Je t'oublie quand je me déhanche, je souris sauf le dimanche, j'ai le cœur balançoire, je passe des mes espoirs se brisent, adolescent pirate sur les plages de bitume. Chaque nuit je m'évade, je voyage, voyage, voyage, voyage. Je voyage, voyage, voyage, je voyage. Je n'écoute plus ces léopards qui me racontent des histoires sous leur blouse de motard, accoudés au bar. J'éteins leur ego, je n'aime plus leur regard. J'ai le cœur balançoire, je passe des rêves au cauchemar. Mes espoirs se brisent, adolescent pirate sur les plages de bitume. Chaque nuit je m'évade. Une fille de mon âge qui dégringole de la pente. Je n'ai qu'un œil dans la fente, je n'ai qu'un doigt sur la tempe. Et si je rate le virage, inscris mon nom aux absents. Tout frais, frais. Nouveau hit, tout frais. Dans la playlist énergie. Drake. Yeah. Todos están pendientes a ti. Pero tú puesta pa' mí. Haciendo que me odien más. Porque todos te quieren probar. Lo que no saben es que no. Que tú eres mía, mía. Tú sabes que eres mía, mía. Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía. Yeah, dile que tú eres mía, mía. está mi respirar. Contigo veo todo como en espiral. Quiero tirarnos fotos y que se hagan mirar. Tus ojos me concentran como Adderall. Contigo me sube el overall. Te toco y hasta el mundo deja de girar. A nosotros ni la muerte nos va a separar. Bebé, yo soy tuyo nada más. Dile que conmigo te vas. Que dejen de tirarte. Que a ti nadie va a tocar. Dile que tú eres mía, mía. Tú sabes que eres mía. Que tú eres mía, mía. Tú sabes que eres mía, mía. Tú misma lo decías cuando yo te lo decía. Yo soy tu Romeo, pero no santo. A tu bobo con la for y lo espanto. Muchas me quieren desde que yo canto, pero yo soy tuyo nada más. Yo soy tu Romeo, pero no santo. A tu bobo con la for y lo espanto. Muchas me quieren desde que yo canto, pero yo soy tuyo. Dile que tú eres mía de Telay. El yerno favorito de tu Mike. El campo que tenía todas las Jordan y las Nike. Dile a tu bobo que dejen de darte like. Quiero esta noche entera para recordar los tiempos en la escalera. Dile que yo no soy cualquiera. Yo soy tu primero, tú eres mi primera. Ay, ay, ay. Todos te quieren probar. Lo que no saben es que no te dejas llevar de cualquiera. Tú eres mía, mía. Tú sabes que eres mía, mía. Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía. Dile que tú eres mía, mía. Tú sabes que eres mía, mía. Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía. Achetez maintenant un smartphone, une tablette ou une montre connectée Samsung et nous vous remboursons la TVA. Conditions en magasin et sur blueweek.be. Pour un avenir ensoleillé, pensez à l'épargne pension de Fédéral Assurance. Bonjour, bonjour. And you're listening to Énergie. C'est jeudi, bonjour tout le monde. Bonjour. Il est 6h03, quel bonheur de vous retrouver jeudi, jeudredi. La Belgique aime le jeudi, la Belgique chérit le jeudi. Évidemment. La Belgique... Ne serait rien sans le jeudi. On espère que tout va bien, en tout cas on est ravis de vous retrouver les fifous ce matin, comme chaque matin. Y'a Tiffany au standard. Bonjour tout le monde, bonjour, bonjour. Marco. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Il y a Jérém aussi qui est là ce matin. Bonjour. Bonjour. Transformation. Ah oui, c'est dur le jeudi. Hein. Oh. En fait, c'est dur le mercredi, c'est dur le jeudi, c'est dur tous les jours. Non, mais c'est de ma faute, j'ai fait le concon hier soir. Qu'est-ce que t'as fait ? Mais une soirée, et puis alors tu connais, c'est aller un dernier verre, et puis alors oui, un dernier verre, et puis alors quand t'as fini ton dernier verre, tu dis j'y vais. Et t'as un autre qui dit non, mais un dernier verre. Attends, moi j'ai pas mis ma tournée, tu peux pas partir comme ça. Ouais. Attends, GG, remets ta tournée. Ouais, mais GG, il est 3h. Je me lève dans 2h. En gros, j'ai dormi 4h15. Ah oui, quand même, pas mal. Ah oui, c'est bien. Ouais, bon ratio. Ouais, voilà. J'ai une bonne grosse sieste, en fait. C'est ça, faut le voir comme ça. Mais sinon, ça va très bien, je suis de bonne humeur. Ah, tant mieux. C'est ce qu'il faut dans cette émission. Bah oui. Voilà. Frisco est là aussi ce matin. Bonjour. Bonjour tout le monde, ça va ? Mais bien, et toi ? Ouais, écoute. Tout va bien. Ik ben blij. Ik ben niet moe. Ik ben blij. Je réécoutais là en venant sur la route le moment avec David Guetta hier sur Radio World. Était magique quand même. Ah ouais. Ou hâte. Le gars, et peut-être que la prochaine fois qu'il va croiser ses potes, il va leur faire ou hâte. Je l'ai repris en Belgique. Hein, Il y a Aurélie de la Reda qui est là aussi ce matin. Bonjour. Rouille Morgan même normalement. Et ça dit quoi la météo ce matin? Oh, ça dit des nuages et de la pluie aujourd'hui. Côté température. température entre 6 et 12 degrés. Il fait chaud aujourd'hui, hein? Ouais. Ouais, ça fait 10 degrés, moi, ce matin. C'est vrai? Ouais. Wow. Ouais, moi aussi. Sortez la crème solaire, les gars. Dans un petit instant, c'est notre stagiaire qui revient. Thomas, comment ça va, mon Thomas, aujourd'hui? Bonjour. Ça va très, très bien. C'est vrai? Oui, oui. Ça en se forme, lit, ça se lit sur ton visage. Oui, tu es rayonnant. Petit soleil. Chantez parle avec le stagiaire dans un instant. Il nous a préparé ça. On va jouer à ça pour bien démarrer cette émission. Ça va être chouette. Avant ça, voici Calvin Harris et Sam Smith. Are you drunk now? Now that judge what I'm doing. Are you high now? To a skills that I'm ruined. Cause I'm ruined. Is it late enough? For you to come and stay over. Cause we're free to love. So tease me. Ooh. I made no promises. I can't do golden rings. But I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air. There ain't no science here. So come get your everything. Tonight. Promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. Tonight. You acting tonight. Is it loud or no? Cause my body is calling for you, calling. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air. There ain't no science here, so come get your everything. Tonight. I made no promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air. There ain't no science here, so come get your everything. Tonight. Tonight is the night. Oh yes. 6h, le mec il veut déjà être 7h. 6h07, bienvenue avec nous, bon réveil. Lizzo qui va arriver dans un petit instant sur Énergie. On va parler des métiers de stars avant qu'ils soient des stars. Oh chouette. Ah ouais, j'ai encore une bonne petite liste à vous donner. Assez surprenant pour certains d'ailleurs. On fera ça dans quelques minutes. Avant ça, Thomas, notre stagiaire. Thomas. Thomas, comme ici. Je sais bien. Le pauvre s'appelle Thomas et on l'a rebaptisé et c'est resté. Et je crois que ça ne s'en ira jamais. C'est non, Thomas, en tout cas, dans les murs d'Énergie, ce sera toujours Thomas. C'est ce que j'allais dire, parce qu'il n'y a pas que vous qui m'appelez comme ça maintenant. C'est vrai. Non, c'est Thomas, quoi. Toute la boîte l'appelle Thomas, mec. Je ne m'appelle plus Thomas. C'est génial. Alors qu'il n'a même pas une tête d'allemand, hein. Ouais. Clairement. Mais c'est pas nos prénoms, il faut le savoir. Moi, c'est Jean-Pierre. Mais Marco. Non, je déconne. Jean-Pierre. Les gens, ils vont me croiser en faire Jean-Pierre. Non, mais attends, tu sais qu'il y a des gens qui m'ont demandé si Frisco, c'était mon vrai prénom. Hein. Bah oui, évidemment. Il y en a qui pensent que je m'appelle vraiment De La Rédac. Et Tiffany, du standard, c'est voilà. Alors Thomas nous a préparé un chant et parle ce matin. Chant et parle, c'est quoi? En gros, il va nous lire les paroles de chansons. De chansons. Sur un ton très monotone, tu sais, comme ça, comme truc très très très chiant, tu n'as pas de. Voilà, tu te. Un délire comme du slam. C'est un peu la même chose. Voilà. Sur une musique, je vais quand même mettre un peu de musique derrière parce que sinon c'est pas drôle. Et à nous de retrouver quel est le chanteur. Et le titre. Je suis au taquet, je te jure, j'ai vraiment envie de. Tiffany, c'est comme le poney, tu sais, qui est là sur la ligne de départ et qui check son sabot. Tu tapes comme ça. C'est Tiffany. C'est elle en ce moment. J'ai dégagé un peu mon espace de travail, tu vois, pour pouvoir taper sur la table et faire Tiffany. J'en peux plus. Vous l'avez compris, chanter parle, c'est assez simple. Vous pouvez jouer avec nous l'artiste ou le titre. Je suis sympa ce matin, pour les premiers, on se fait comme ça. Ok, d'accord. Après, on va compliquer un peu la chose. D'accord. Pop. Allez, on y va avec le premier et je mets une petite ambiance. J'y crois comme à la terre. Frisco. Oh non. Johnny Hallyday. Mais ouais, comme ouais, au soleil. Comme un... J'y crois voilà. Comme à la terre, j'y crois comme au soleil. J'y crois comme à tes yeux, comme... Comme voilà. Un enfant, bim. C'était quoi le titre de celle-là? C'est Je te promets. je te promets. Il n'y a plus de points, hein, Tiffany. Non, je sais bien. Oui, déception. Détends-toi, Tiff, ça va aller. Ah oui, c'était ça. Je te le promets. Il y a une intro de 10 minutes. Je sais plus ce qu'il dit, mais est-ce qu'il parle de David et... Non. Et Laetitia ? Je te promets que t'auras un petit peu de mon argent. Tout dépendra de Letty si elle veut tout prendre pour elle. Elle n'empêche, ça va faire un an. Demain, la semaine prochaine, ouais. Qu'il est mort et on en parle encore tous les jours. C'est vrai. C'est dingue, hein. Ma bouche, je te promets le miel à ma main qui te touche. Je te promets le ciel. Il y en a qui se réveillent, ils font 6h10, ils sont en train de taper leur radio. C'est énergie, t'es sûr, c'est sûr. Eh bien, un point pour toi, mon Frisco. Il est encore mort. Un point pour Frisco, Chante et parle, deuxième édition. C'est parti. Ce soir, tout me sourit, même Monica Bellucci. Tiffany et... je suis en feu. Ouais, c'est ça. Le ciel en feu, mec, elle fait flipper de ouf. Trop bien. En feu, c'est celle-là. Ouais, c'est ça. Mais je me rappelle pas de ce moment. Mais si, hein. Ce soir, tout me sourit, même Monica Bellucci, je suis en feu. Qu'est-ce qu'on va faire, mais qu'est-ce qu'on va faire? Trop bien. Ah, pour moi, tu m'as dit, ah ouais, elle est chaude, elle, c'est clair. Comme Zinedine Zidane face à l'équipe du Brésil. Zinedine Zidane. Ce soir tu me souris, comme même Monica Bellucci. Un point pour Stéphanie. Tiffany. Oui, je sais, mais j'aime bien t'appeler différemment. Allez Monica, peut-être un point encore pour toi. Ouais. On y retourne, Thomas. On y voit encore des hommes d'ailleurs venus chercher le repos de l'âme et pour le cœur un goût meilleur. L'on y croit encore. Que le jour viendra, il est tout prêt, où les Irlandais feront la paix autour de la croix. Pourri. Là-bas, au... Michel Sardou. Oh, purée. Oh, c'est ça. C'était les lacs du Connemara. Eh oui, wow. Oui, oui, oui. Wow. Oui. Ça, c'est bien joué, hein. Je sais pas si vous avez entendu. Il y a du mec qui fait. Je le savais. Bien vu l'ancienne génération, très bien. Bien. Lac du Connemara. Tu m'as traité d'ancienne génération. Pas du tout. Mais non, il a pas dit ça. Ah, comment vous écrivez Connemara? C'est O, deux N. Non, il y en a qu'un. Ok. Ah, c'est pas Michel Sardou. Il y en a deux. C'est Connemara. Ah, moi j'ai toujours cru que c'était Connemara. Ben moi aussi. Ah non. Ça fait 15 ans qu'en soirée je dis lac du Connemara. Non, c'est Connemara. Ah, c'est Connemara. Eh, je suis dégoûté. Ta vie va changer aujourd'hui. Oh, purée. Il y a même pas Connemara dans le. Mais non. Michel Sardou. Mais Michel. Michel. Mais les non, lacs. Michel. Mais lacs. Bah, c'est pas grave, on peut le chanter sinon. Ouais, soul, allez, pali, patata, pati, tata. Ça, c'est ça. Non, mais au cas où, cette chanson ne se chante pas, elle se danse. Ouais, voilà. Elle se boit aussi, je vous le dis. Allez, une autre, c'est pas grave, je l'ai pas, désolé. On se laisse porter par le vent, on sait jamais dans quel sens, si la route est longue, la vue en haut vaut la distance, si on rêvait plus fort, on cherche un passage sans parole. Purée, je le sais. Slimane ? Non, Tiffany ! Léa Passy ! Ouais. Non ! C'est Léa Passy. C'est laquelle ? On cherche un passage sans boussole, on prend des notes. Là t'as le magresse carrément quoi. On cherche un passage sans boussole. Léa Passy qui sera avec nous demain pour l'émission live. Puisqu'on vous rappelle que demain, enfin on est en live tous les jours en soi, mais demain on est en public, c'est la dernière de la semaine. Et dernière du mois surtout. On va pas faire ça tous les vendredis, mais tous les derniers vendredis du mois, c'est une petite émission publique. Et Léa Passy sera là, voilà, si vous voulez venir, il reste encore quelques places. Ah, il y a eu un désistement d'un groupe. C'est vrai? Ouais, donc s'ils veulent venir, c'est maintenant. Et limite, ils peuvent appeler le numéro gratuit et appeler Tiffany directement, hein. Ça ira plus vite, ouais. Elle vous attend, elle est fraîche, toute pimpante. Elle va pas du tout vous crier dans les oreilles. Allô, c'est Tiffany. 0800 234 56 pour l'appeler si vous voulez venir avec nous demain pour l'émission en public avec Léa Passy qui sera en pyjama en plus. Ouais. Ah oui. On va lui laisser le choix entre pyjama ou une nuisette. Quoique, peut-être même pas lui laisser le choix. What you say, boy? You tryna play coy like a game boy. Hit my phone, boy. Is your homeboy? Are you a lone boy? Come give me dome, boy. Got a boy with degrees, a boy in the streets, a boy on his knees, he a man in the sheets. Sheesh, it's all Greek to me. Got this boy speaking Spanish. I hit my beer. Baby, I don't need you. I just wanna freak you. you a freak too. What's 2 plus 2? Mississippi boys, inner city boys. I like the pretty boys with the bow tie. Get your nails did, let it blow dry. I like a big beard, I like a clean face. I don't discriminate, come and get a taste. From the playboys to the gay boys. Go and slay boys, you my fave boys. Baby, I don't need you. I don't need. I just wanna freak you. I want it, yeah. I heard you a freak too. That's right. What's 2 plus 2? Et Broken Back qui arrive sur Énergie. Vous gagnez sur Énergie 2000 euros de vacances. C'est l'avant-dernier qu'on a, puisqu'il nous reste encore 2 voyages pour vous. On a aujourd'hui et demain, il nous reste 4000 balles de vacances. Ouais. Si vous voulez gagner 2000 euros ce matin pour aller vous faire les sports d'hiver, tiens, pourquoi pas. C'est trop bien. Ah ça. Ouais, ouais, le ski. Il y a des belles, stations. C'était hein, le bruit de quoi ça. Non, mais si, de dérapage de ski, t'as pas reconnu. Ah ouais, ouais. Ah si, ouais, ouais, ouais. Non, non, en fait, ça ressemble fort à l'ouverture des bus. Moi, ça ressemble à la canette de Coca que je vois au cinéma. Si vous voulez aller au sport d'hiver cet été, ou alors aller en vacances en hiver en été, c'est une possibilité. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai, on faire un kiff aussi comme ça, hein, ça serait génial. En hiver, aller aux Bahamas et en été, aller au froid. Oh. Mais ouais, peut être un kiff. Bref, faites comme vous voulez, vous avez les 2000 euros, après vous débrouillez, c'est votre problème, c'est pas le nôtre, vous partez en vacances. Vous envoyez très simplement le mot vacances, tout simplement. Vacances au 78, c'est 1 euro le message envoyé et reçu, on vous appelle à 9h. Et on a donc 2000 euros de vacances pour vous, et on vous file Tiffany avec. Ah non! Non, c'est plus un cadeau ça. C'est une corvée. Vacances au 78, 1 euro le message envoyé et reçu, bonne chance. C'est le 6-9. Get ready for the next round. Les plus gros hits à la maison. Les plus gros hits en voiture. Les plus gros hits au travail. Énergie. C'est la playlist Énergie. Playlist Énergie. Hit Music Only. Macro, flash info. Du fromage belge à ceux d'une douzaine d'autres pays, de la fine tranche à la meule entière et avec plus de 700 variétés, Macro, c'est aussi le plus grand marché au fromage. Alors, professionnel ou particulier, avec ou sans numéro de TVA, demandez votre carte sur bienvenuechezmacro.be. Macro, vous avez tout d'un pro. Jusque samedi, jusqu'à moins 50% sur 5 produits de votre choix. Conditions sur macro.be. Chez Mercedes-Benz, nous avons surpassé vos attentes du Black Friday. Car chez Mercedes-Benz, le Black Friday devient le Black November. Cela vous donne plus de temps pour profiter de nos conditions exceptionnelles en private lease. Il s'agit d'un loyer mensuel fixe tout compris, et cela sur pas moins de 7 modèles différents en stock. Ainsi, vous prenez déjà le volant d'une CLA coupée pour un loyer mensuel de 353 euros TVA comprise. Infos et conditions sur mercedes-benz.be ou chez votre concessionnaire agréé Mercedes-Benz. Offre valable uniquement pour les particuliers. Ce dimanche, votre IKEA Anderlecht est ouvert de 10 à 18 heures. Profitez-en pour acheter votre sapin de Noël à un prix avantageux. Plus d'infos sur ikea.be. 20 sur Énergie, Klingande qui vont arriver avec Broken Back, ils seront avec nous, tiens d'ailleurs le 6 décembre pour un after work avec Rally Day Wendy, c'est très sympa. Je vous donne les métiers des stars avant qu'elles deviennent des stars, on va parler de ça juste après. Et là un petit point sur les routes, Aurélie, ça donne quoi ce matin? Eh bien un accident s'est produit sur le 411 à hauteur de Rochefort en direction du Luxembourg, la bande d'arrêt d'urgence et la bande de droite sont bloquées, attention la situation est dangereuse. Autre accident cette fois sur le 40 à hauteur de Boutersem en direction de Bruxelles, la bande de gauche, c'est en direction de Liège, pardon. La bande de gauche est bloquée. Du côté de Bruxelles, sur le ring intérieur, un accident s'est produit à hauteur de Zellik. C'est donc le ring intérieur. La bande centrale est bloquée. Et puis, il y a déjà des ralentissements au sud du pays sur le 411 entre Stockholm et Sterpenich. Vous perdez 24 minutes. To the north and to the south, to the west and wonders, burning all desires. Tell me, should we go somewhere high together now? Till the eastern colors, love is undercover. Shall we ride to the north and to the south, to the west and wonders, burning all desires? Tell me, should we go somewhere high together now? Till the in the cover. Stuck in this bad place, just looking out the window. He turned a blind eye to see how far we can go. Tell me my love, so we'll forget what we know, forget how it was when we were young years ago. I will ride to the north and to the south, to the west and wonders, burning all desires. Tell me, should we go somewhere high together now? Till the eastern colors, colors in the cover. Rendez-vous le jeudi 6 décembre pour la Saint-Nicolas, déjà. C'est dans une semaine tout pile. Et Klingande et Broken Back qui seront chez Rally Day Wendy pour un petit after work à partir de 16h. Voilà, ils vont mixer. Mixer exclusif en direct. Ça va être chouette. Ça va être très très sympa. The Weeknd qui va arriver dans un instant, la BO de fin 50 nuances de Grey. 50 Shades of Grey. Of Grey. Ouais. On écoute ça dans un petit instant. Et là, je vais vous donner, tiens, les métiers de stars. On va jouer avec ça. Les stars, mais avant d'être star. Genre Brad Pitt, avant d'être Brad Pitt, à votre avis, qu'est-ce qu'il faisait? Il était serveur. Ah bah en fait il a fait pas mal de trucs. C'est il a été serveur en soi, ouais, mais il était déguisé en poulet quand tu sais. Mais non, ouais. C'est vrai. Il faisait le monsieur sandwich là, tu vois, au rond-point, etc. C'est ça. Ah, excellent. Il a été déménageur, il a été chauffeur livreur, il a été chauffeur de stripteaseuse. C'est pas mal. Je sais même pas que ça existe comme métier. Moi je peux te dire que Brad Pitt en déménageur, j'aurais pas dit non. Hein. Il a été surveillant de piscine, c'est magique ça. Ah, excellent. Madame avec le bonnet rouge, là je vous rappelle, on ne fait pas pipi dans la piscine. Excellent. Ah, et pas mal. Pas mal de métiers avant d'être Brad Pitt. Voilà, bah écoutez. Enfin, ça a toujours été Brad Pitt, mais. Oui. C'était pas le même Brad Pitt. Le mec, il a une double personnalité, là, tu vois. Pink, qui a 38 ans aujourd'hui, elle a quand même une belle notoriété internationale. Ouais. Faut le dire, Pink, c'est quand même The Star aussi. Et bah, avant de devenir star de la chanson américaine, à votre avis, qu'est-ce qu'elle faisait? Sans rapport avec notre pays en plus. Coiffeuse. Ah, non, frites. Ouais. Elle tenait de friterie. Elle vendait des frites. Allez, c'est pas vrai. Excellent. C'est génial, hein. Oh, le donc, Pink. Pink, c'est qu'on doit les cuire deux fois. Avec la graisse de bœuf, là où évidemment. Attends, c'est là la meilleure. Blanc, ouais. Dire que mon grand-père les mange blanches, je te jure, je sais pas comment on fait. Oh, c'est affreux. Sacrilège. Ça, oh, c'est, ça, je dirais même plus. Mais deux fois, double sacrilège. Jennifer Aniston, on aime beaucoup. Ouais. Jérémy et moi, c'est vrai, on aime bien. Ouais. Mais qui n'aime pas en même temps? C'est pas faux. Eh bien, vous trouvez qu'elle portait bien le tablier dans Friends? Je sais pas si vous vous rappelez quand elle faisait du cooking-ling, tout ouais. ça. Ouais. Du cooking-ling. Elle a travaillé en cuisine? Eh ben, elle était serveuse dans un café. Ah, comme dans Friends? Comme dans Friends. Excellent. Excellent. C'est ouf, hein. C'est marrant. C'est comme dans les aires d'autoroute, là, dans le clip de David Guetta, justement, Love is Gone, là, tu vois, où la meuf, elle sert le café, mais elle laisse tout tomber, tellement elle danse et tout ça. Ah ouais. J'imagine trop bien Jennifer Aniston faire ça. Voilà. Julia Roberts. Julia Roberts, avant d'être... qu'est-ce qu'elle a fait comme film très très connu? C'est Pretty Woman. Pretty Woman. Et l'autre, non, mais l'autre avec... Mariage de meilleur ami. Et l'autre, enfin, le dernier, celui que j'attends. Ah bah non, c'est Pretty Woman, où elle est avec... Elle est chargée. Je suis bête, pardon, c'est celui-là que je cherchais. Oh, elle a pas fait ça, elle en a fait plein. Hein. Oui, elle a fait blindé. Erin Brockovich, oui. Erin. Eric, t'as vu que c'était un mec ou quoi? J'ai dit Erin. Ah, j'ai compris Eric. Eric. Julia Roberts, avant d'être actrice, elle était vendeuse de chaussures. Elle a vendu des pizzas. Oh. Ah, terrible. Pas mal, hein. Allez. Et tout ça, pourquoi? Pour payer ses cours de théâtre. Ah bah marrant, c'est, mais il ouais. n'y a pas de sous-métier. Hein, de toute façon, on n'a jamais dit qu'il y avait de sous-métier, mais c'est surtout que je trouve ça génial que la nana ait fait ça pour payer ses cours de théâtre et que c'est grâce à ça, au final, qu'elle a pu devenir. Il y en a beaucoup qui font des trucs comme ça. Ouais, hein, ouais, franchement, ouais. C'est cool. Gwen Stefani a été femme de ménage avant d'être star américaine de la pop. Oh. Gwen Steph. Ça, ouais. C'est dingue. Souvenez de Gwen Stefani? Ouais, ah, oui. Terrible. Silver Star Stallone, et je finis avec lui, c'est magique. Déménageur. Dans l'armée, il était dans l'armée. C'est pour ça on l'a appelé Rocky Balboa. Pas du tout. Ouais, c'est assez énorme. C'est physique comme métier? C'est assez physique, ouais. Et assez dangereux. Prof de gym. Ah oui. Mais d'où c'est dangereux? Tu donnes un ballon de foot, tu te dis allez, faites un foot, on se retrouve dans une heure. J'ai jamais vu un prof de gym bien gaulé. Hein, parce que souvent, c'est ouais, Robert, ils sont billes. C'est dangereux. Cours. Il était nettoyeur de cages à Lyon. Oh, oh purée. Allez. C'est ouf. Pas à Lyon, la ville. Hein. T'imagines? Lyon, les lions, quoi, vraiment. Ah purée. Ouais, Angelina Jolie, entrepreneuse de pompes funèbres. Sympa. Beyoncé, assistante dans un salon de coiffure. Excellent. Ah, je vais me faire une petite coupe Beyoncé. I see nobody but you. I'm never confused. Hey, I'm so used to being used. So we live in our lies. Hey, you're my favorite kind of night. C'est bon, détache-moi, Tiffany, on a fini de jouer là. Dans un instant, c'est DJ Snake et les infos à 6h30. On est un petit peu en retard, ça arrive. contigo también lo sientan. Venezuela, quiero ver. Oye, la fiesta a ti te llama. Suéltate el pelo y salta de la cama. Estamos ready, la noche muy larga, así que vamos a quitarnos toda la caña. Si tú estás bien, habla portugués. Conmigo mujer y si no, pues tú dos ven. Esta noche llego a hacerme con el parque. De noche me flauco como Yandel. Dame tu cosita. Con tus amigas en el bar. Vamos de Colombia hasta Portugal, de España a Brasil hasta Panamá. Puerto Rico también lo sienta en Venezuela, que lo muevan. Vamos de Colombia hasta Portugal, de España a Brasil hasta Panamá. Puerto Rico también lo sienta en Venezuela, que lo muevan. Que lo ve. Un, dos, tres, go. Pour un avenir ensoleillé, pensez à l'épargne pension de Fédéral Assurance. 6h32 sur Énergie. Dans un petit instant, DJ Snake, le DJ de l'année au Énergie Music Awards. On va l'écouter après la météo pour aujourd'hui. Des nuages avec de la pluie. Aujourd'hui, on pourrait avoir quelques petites éclaircies par moment, mais principalement sur l'ouest du pays. Les températures seront comprises entre 6 et 12 degrés. Jeudi 29 novembre, pour nous informer, c'est Aurélie Adam qu'on retrouve. Bonjour Aurélie. Bonjour Marco, bonjour à tous. La FGTB proteste contre la réforme des aides à la promotion de l'emploi aujourd'hui. Réforme qui pourrait aboutir à la suppression de 3500 emplois en Wallonie. Pour se faire entendre, la FGTB organise une manif à Namur. Elle prendra la forme d'une chaîne humaine entre le Parlement et le gouvernement wallon. Le rassemblement est prévu à 10h30. Cette manif devrait provoquer des perturbations sur le réseau des TEC. Des perturbations qui devraient toutefois être limitées. Plus d'infos sur le site infotech.be. En sport, en football, Dortmund et le club de Bruges ont fini sur un nul blanc lors de la 5e journée de la Ligue des Champions hier soir. Du coup, les Brugeois sont relégués en Europa League où ils disputeront les 16e de finale. Et enfin, toujours en football, en Europa League, justement, on joue la 5e journée ce soir à 21h. Genk affronte Malmo. De son côté, le Standard fait face à Séville. Et puis pour l'honneur, Anderlecht fera face à Ternava. Pour avoir chaud, toute la famille se glisse dans un pull XXXXL. Original, mais combinez plutôt le mazout avec les énergies renouvelables. Découvrez votre combinaison parfaite sur infomazout.be. Le 6-9 sur énergie. C'est vraiment de la balle. Le 6-9 sur énergie. 6h-9h. Si c'est Mani, Mamie Monique qui le dit. Ah, alors c'est oui. Vrai. 6h33, bonjour. Bonjour. C'est jeudi avant vendredi. Mais le jeudi, c'est déjà un petit bout de vendredi, oui, en fait, en Belgique. Oui. Ouais, on croque un peu dans le vendredi, c'est pour ça qu'on l'appelle le... Jeudi. Eh oui, messieurs, dames. Dans un instant, c'est les concours de la semaine. Oh, il y a eu du lourd cette semaine. Ils ont passé le mot, à mon avis. Incroyable, je vous jure, c'est juste après. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki, taki, taki, taki, rumba. Prende los motores de Kawasaki. En la discoteca Jenny llegaron los Anonaki. No le baje, el puri sobresale de tu traje. No trajo panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. El puri sobresale de tu traje. No trajo panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, taki, taki, taki, rumba. Touch it and tease it and squeeze it. With my piggyback is hungry, my nigga, you need to feed it. If the text ain't freaky, I don't wanna read it. And just to let you know, this Panani is undefeated. Ayy, he said he really wanna see me more. I said we should have a date where? At the Lamborghini store. I'm kinda scary, hard to read, I'm like a Ouija board. But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for? You got no class, you bitches is broke still. I be talking cash shit while I'm popping my gold grill. I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still. The love be so fake, but the hate be so real. Sobresale de mi traje, no traje panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes. Dice que no quiere, pero se quiere comerle el equipaje. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, taki, taki, taki, rumba. h 37 sur Énergie. Dans un petit instant, c'est Lady Gaga avec Bradley Cooper. Avant ça, voici les concons de la semaine. Ah, il y a de la pépite, je vous l'ai dit, ils sont passés le mot, c'est incroyable. Cette semaine, franchement, on a fait très fort. Je crois qu'on a même les meilleurs concons de toute l'année. Chez nous, en Belgique aussi. Il y a un peu de tout. Alors attends, est-ce qu'il y a du belge? Je crois que oui. Non. Mais c'est chez nos voisins, ils ont fait très fort en France cette semaine. Ils ont fait très fort. On débarque d'abord en Russie, où un gars a décidé, c'est exceptionnel. Il y a un pont en fait qui était interdit aux piétons depuis très longtemps. Ouais. Et du coup, bah, ça le saoulait un petit peu, quoi. Il a été voir. Il a été voir. Ben non, mais il est en piéton et donc il pouvait pas y aller. Donc, comme il n'avait pas le permis, qu'est-ce qu'il s'est dit? Eh ben, je vais me déguiser. Il s'est déguisé en autobus et il a traversé le pont. Mais il est bête ou quoi? Génial, j'ose trop imaginer le costume d'autobus. Déjà, tu le trouves où, ce costume? Oui, c'est ça. Ou alors, il doit vraiment être un truc bien, bien dégueu, tu vois, qui ressemble à rien, en carton, le truc pourri, papier mâché. Mais je fais un costume, les gars. Ça se passe à Toulouse. Alors ça, c'est magique. On a déjà tous été au restaurant. Ouais. C'est ouais. déjà arrivé, malheureusement, qu'on soit pas content au restaurant. Ouais. Ça arrive, ouais. Ça peut arriver. Ça peut arriver, pas content. C'est un peu froid, voilà, c'est cher. T'as pas eu ce que tu voulais, ils se sont trompés. T'as pas la bonne cuisson. Enfin voilà, bref, un bazar, fieu. Et ben lui, carrément pas content de chez pas content, qui s'est barré avec la table du restaurant. Mais non. Ah, c'est énorme. Non seulement je paye pas, monsieur, vous voyez votre table. Et ben je la prends, j'avais aimé chez moi, avec bien dans ma terrasse. J'espère que c'est pas une table pour 10 personnes. C'est ça, tu imagines. Chérie, aide-moi. J'avoue qu'il a dû porter ça avec quelqu'un. Donc t'imagines, tu dois être mal à l'aise hein, si t'es avec lui et qu'il dit je m'en fous, je prends la table. Et GG, tu rigoles là quand tu dis que tu prends la table. Non, je rigole pas, aide-moi. Il y en a qui prennent la porte, donc... Ok. Non, c'était nul. Hein. Ouais, elle était nulle, chez. On parlait d'une table, hein, t'aurais pu au moins dire ils prennent son pied. Allez, hop, 5 euros là-bas aussi. Oui. Gros mot. Il a dit un gros mot. Hein. Il a dit nul à chier, donc ça fait 5 euros. Voilà. 5 euros plus 5 euros. 10 euros en même pas une minute, c'est génial. Vous êtes rentables, vous deux. On va parler d'avion. Ça, c'est magique. C'est un incident qui a eu lieu là, il n'y a pas très longtemps, début du mois. Et ça vient de nous être relayé. C'est incroyable ce qui s'est passé. Vous savez que l'avion. C'est pilote automatique, hein, pas se mentir. Ouais. Vous en parlez en connaissance de cause. Le mec a un simulateur d'avion chez lui. Hein. Non, mais c'est vrai, c'est la moitié du truc, c'est même plus de la moitié, c'est pilote automatique. Je pense qu'il n'y a que le décollage et l'atterrissage où il y a le pilote qui fait vraiment oui. son boulot. C'est ça. Et sinon, c'est automatique. Et tant bien que même, pour votre information, ça pourrait même se faire en automatique, le décollage. Ah ouais, ouais. En cas vraiment de conditions climatiques extrêmes, t'inquiète pas que le pilote, il prend pas le risque. Hein. Ah ouais, ok. Il dit hop, hop, hop, je te laisse gérer l'avion. Tu fais comme tu veux. Fais pas le con. Et ben là, c'est magique. Le mec avait mis le pilote automatique. Je veux faire une petite sieste. Hein, petite siestouille. Et ben la petite siestouille, elle a duré un peu plus longtemps que prévu. Sauf qu'il s'est réveillé 48 km plus tard et surtout plus loin de l'aéroport où il devait. Non, mais non. Ça, c'est magique, quoi. C'est... Oh là, bah dis donc, j'ai loupé l'arrêt. Tiens, c'est pas mince. Sauf qu'en avion, c'est pas un bus. Hein. C'est pas tu fais le tour du rond-point et tu fais demi-tour, tu reviens. En avion, c'est un peu plus galère, quoi. Donc ouais, c'est... Oh purée. Allez, ça devait être sympa. Moi, je suis passager à ce moment-là, je peux te dire que le gars... Puis tu sais, quand il te dit au revoir, après, il a la trace de l'oreiller. Et généralement, ils sortent pas hein, quand ils dorment. Ils restent dans le cockpit. C'est vrai, c'est vrai. Les âmes sensibles, s'abstenir, parce que ça, c'est un truc de fou. J'ai vu la vidéo, je vous jure, j'étais pas bien. C'est un truc de malade. C'est en parapente, un débutant qui voulait prendre une initiation de parapente. Mm-hmm. Et donc, il y va avec le moniteur, et puis ils sont là, ils commencent à courir et tout. Ils font, hey, ok, toi! Enfin, 3, 2, 1, hop, et ils s'envolent. Sauf qu'à zéro. Et ben, le con, il s'est pas rendu compte qu'il avait pas attaché le mec. Et ouais, donc le moniteur se rend compte qu'il avait pas attaché le gars qui venait, quoi. Il a pas freiné, enfin, je sais pas. Ah non, non, non. Mais non, quand t'es en l'air, tu sais plus freiner à un moment. Je sais pas, moi. 2 minutes 30 à 4000 mètres d'altitude. Oh la vache. Là, je peux te dire que ces bonbons, ils étaient collés au papier. Tu dois flipper. Il lui a dit. Bah, enfin, il s'en est rendu compte aussi, je pense. Moi, j'aurais porté plainte. Je portais plainte. Ça peut porter plainte. Mais toi, tu portes plainte contre tout. Mais non, mais là, je suis d'accord avec toi. Non, mais bon, là, attends, le gars oublie de l'attacher. Je suis désolée, si ma vie est en jeu. Et la vidéo, je vous promets, c'est impressionnant, quoi. Vraiment. Parce que tu vois que le gars, il est à bout de bras comme ça, il tient la barre, hein. Il lâche la barre, il tombe. 2 minutes 30, il tient à 4000 mètres d'altitude. Moi, je peux te dire que. Moi, 4 secondes, mon poids, je le soutiens pas. Le mec était tellement fier que ça a été filmé, c'est lui-même qui a posté la vidéo. Mais tu sais, quand tu fais des trucs de parapente, etc., t'as toujours une GoPro. Ouais, mais à mon avis, il a payé pour la voir, cette vidéo. Il était tellement fier. Je sais, ouais, c'est ça. Il a dit, regarde, c'est moi qui ai fait ça. T'as vu, chérie, je fais pas de sport. Et t'as vu, le gros, il s'est inquiété. Et quoi, il a reçu une leçon gratuite. Bah, je peux te dire que moi à ce prix-là, je lui dis, je l'offrais. Ou alors. Tu me donnes de parapente à ce prix-là. Je repars avec, même si je l'utiliserai pas en souvenir. Et on va finir avec les gilets jaunes. On part à Pau. C'est un moment magique que je vous propose ce matin. C'est magnifique. Cette vidéo fait le buzz en ce moment. Elle est en train, on la voit partout. Hein. Hier, je l'ai vue partout dans les émissions de talk-show. C'est fantastique. Un gilet jaune qui a tenté de bloquer un rond-point à Pau. Vous allez me dire jusque-là, ouais, on entend que ça en ce moment. Ouais, enfin, sauf que lui, il était tout seul. Hein. Et c'est sa femme qui le filme et qui se fout de lui et qui rigole tellement. C'est drôle, en fait. Faut être honnête, c'est très drôle. J'ai le petit moment pour vous. Écoutez, c'est magique. Bon, mais voilà, c'est parti. Mon mari a décidé tout seul d'aller sur le rond-point. Il va manifester tout seul sur le rond-point de Pau. Elle se fout de lui. Mais non, mais c'est ouf parce qu'à un moment dans la vidéo, elle fait chérie, je te filme. Et c'est magique parce que le mec, il est tout seul au rond-point et en fait, il traverse le passage protégé, enfin le passage clouté, vous voyez. Passer ce péton, ouais. Ouais, voilà, on les aura tous fait comme ça. Et il traverse et il s'amuse à faire que des allers-retours. Pour un peu ralentir les gens, mais en fait, ils bloquent pas. Oui, parce que je crois qu'il y a une loi qui disait qu'ils ne pouvaient pas se mettre et bloquer carrément la route. La circulation, oui, tout à fait. Mais c'est magique, quoi. C'est ouf. C'est magique. Et son rire est mythique, cette femme. Et pour la petite anecdote, c'était son anniversaire à la femme. Ah bon ? Le jour où son mari a fait ça. Alors, est-ce qu'il lui a fait ça comme cadeau ? Mais c'est magique, dans la vidéo, elle dit que son mari ne l'a jamais fait autant rire que ce jour-là. Quoi. Oh, ah ben, bon, quel anniversaire. Oui, c'est clair. On peut mettre la vidéo sur le groupe des Foufous. Ouais, il faut qu'on vous partage ça, c'est magique, vraiment. Ah non, avec l'accent du sud en plus. Je vais faire un pipi dans ma culotte. Voici Lady Gaga sur Energy. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'll fall in. In all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself. I'm of the deep end. 6h47 sur Énergie, Panic at the Disco. On va écouter ça dans un petit instant sur Énergie. Avant ça. Oui. Quoi? Ah bah dis donc. Ah, il va plus? Ah bah dis donc, c'est cassé, chef. Oh bah tiens, c'est dommage ça. Avant ça, c'est Tiffany qui va nous faire rêver ce matin. Oui. 2000 euros de vacances. J'espère que vous êtes prêts, mesdames et messieurs, puisqu'on va vous offrir 2000 euros de vacances aujourd'hui. Et tout ça jusqu'à 9h. Un seul message à envoyer: vacances. V-A-C-A-N-C-E-S. Au 78, c'est 1 euro par message envoyé et reçu. Alors le tirage au sort se fera avant 9h. Alors surtout, vacances au 78. 1 euro par message envoyé et reçu. Bonne chance à tous. Merci. Tu fais ça vraiment très bien. Oui, je pense que je me suis trompée de carrière. En fait, j'aurais dû être vendeuse de téléachat. Vacances au 78, c'est 1 euro le message envoyé et reçu. Pour vous inscrire, on vous appelle à 9h puisqu'on a des places, des voyages à vous offrir tous les jours. Il nous en reste deux, donc faites-vous plaisir. Panic at the Disco, ça arrive. Et dans un petit instant, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'il y a? On a un QD. Un QD, c'est quoi? C'est qualité, défaut. Chacun va devoir balancer sur les uns et les autres de l'émission. Allez me chercher le bocal avec les prénoms, ça va être magique. Genre, je vais tirer au sort, je vais faire Jérém, tu dois balancer sur Tiffany. Ça va être magique, je vous le dis, ça va être magique. Qualité, défaut, ça arrive juste après sur Énergie. Gagnez vos places pour le concert de MHD avec la phrase Énergie. Pour jouer, inscrivez-vous vite sur l'appli Énergie Belgique ou sur énergie.be. Et à tout moment de la journée, si on vous appelle en direct, répétez la phrase Énergie. Je veux aller au concert de MHD avec Énergie. Cette phrase vous permet de gagner vos places pour le concert de MHD le 17 janvier 2019 à la Rocale du Luxembourg. Énergie. Grosse la puissance. Hit music only. Quel sera votre cadeau à seulement 69 euros? Une LG Smart TV de 50 pouces? À vous de choisir sur proximus.be. Valable pour tout nouvel abonné Internet qui opte pour Toutibus. Tu comprends, toi, pourquoi certains n'aiment pas les achats de Noël? Aucune idée. Il suffit d'aller à Maasmechelen Village, non? Évidemment, on y trouve tous les cadeaux tout en se baladant. Et l'ambiance de Noël, c'est magique. En plus, il y a de très bons restaurants, alors que demander de plus? Une petite robe de soirée, un joli sac. Oh, Luxury for Less. Le plus bel endroit pour tous vos cadeaux de Noël ou pour une tenue de fête, c'est à Maasmechelen Village. Profitez dès le 1er décembre de nos offres supplémentaires jusqu'à moins 50% à l'achat d'un minimum de 2 articles. Plus d'infos sur maasmechelenvillage.com. Chez Cora, c'est tous les jours dimanche. Surtout le dimanche 2 décembre. Bah oui, puisque nous sommes ouverts. Excepté mes sensibles. Un choix comme ça, c'est chez Cora. Ou chez Cora. Oh, bonjour Max. Tes parents m'ont dit que tu as été très sage. Eh bien voilà pour toi, un os de dinosaure. Et non, Saint-Nicolas n'a pas oublié vos animaux. Du 28 novembre au 8 décembre, Tomenco vous offre 20% de réduction sur les jouets pour chiens et chats. Conditions en magasin. Tomenco, votre animal et vous. Ce dimanche, votre IKEA Anderlecht est ouvert de 10 à 18 heures. Profitez-en pour acheter votre sapin de Noël à un prix avantageux. Plus d'infos sur ikea.be. Vous en rêvez? Avec Neckermann, vous l'avez. Réservez vite vos vacances d'été et c'est gratuit pour vos enfants. Ce sont les derniers jours. En ville, les patrouilleurs touring se déplacent aussi à vélo pour vous dépanner. Dans un petit instant, on se fait un QD, c'est une nouveauté, ça c'est pas mal. Vous allez voir, c'est les qualités et défauts de chacun de l'équipe. On va pouvoir balancer, ça va être drôle. Rélie me regarde pas comme ça. Elle est pas bien non plus. Avant ça, Panic at the Disco. Et là, un petit point sur les routes, ça dit quoi ce matin? Il y a toujours cet accident sur le 411 à hauteur de Rochefort en direction du Luxembourg. La bande d'arrêt d'urgence et la bande de droite sont bloquées. Et il y a pas mal de ralentissements sur le ring extérieur de Bruxelles. Un accident s'est produit à hauteur de Genappe. La bande de gauche est bloquée. Et il y a forcément des ralentissements. 17 minutes de perdu à partir d'Aupin. Sinon, sur le 40, accident à hauteur de Boutersem en direction de Liège. La bande de gauche est bloquée. Et enfin, sur le 411, vous ralentissez entre Stockhem et Sterpenich. Comptez 34 minutes en plus. said, don't give up, it's a little complicated. All tied up, no more love, and I'd hate to see you waiting. Had to have high, high hopes for a living. Shooting for the stars, but I couldn't make a killing. Didn't have a time, but I always had a vision. Always had high, high hopes. Had to have high, high hopes for a living. Didn't know how, but I always had a feeling. I was gonna be that one in a million. Always had high, high hopes. Mama said, avec nous sur Energy, 6h55, c'est Alvaro Soler qui va arriver côté hit avec la Cintura dans un petit instant. Ouais, écoute ça pour la CD hit sur Energy. Avant ça, on va faire un petit QD. QD, c'est quoi? C'est qualité de défaut. En gros, j'ai ici des bouboules avec les prénoms de chacun de l'équipe. Et... Et là, je sors. Je tire au sort une boule, un prénom, un autre prénom, et tu dois balancer une qualité, un défaut sur la personne, tout simplement. Okay. Et ça sera... Oh non, putain. Pardon. Oh. 5 euros. Petit lutin. Hop. 5 euros. Allez, ça marche plus. Moi, ça marche plus. Il n'y a plus de bruit de cagnotte. Du coup, pas de 5 euros. Bon, bah, c'est moi qui dois balancer une qualité, un défaut sur. Sur. Je choisis, j'ai Joker. Oh là là, l'horreur. Tiffany, tiens. Super. Allez. Je sens que je vais prendre cher, mais c'est pas alors, grave. Mais il y a une qualité dedans. Donc, oui, il bon, y a des défauts aussi. Je démarre avec la qualité. Qualité, tu es bien, tu es organisé. Tu es quelqu'un de très organisé, je trouve. Allez, merci. Ah oui, c'est une belle organisation. Il faut savoir que Tiffany s'occupe des fifous. Hein, c'est elle, relation primeur avec les fifous. Tu fais ça bien. Ah ben, c'est quand même une qualité merci. Pourrie. Hein. Bah, ouais. Ouais. Elle est bien organisée, c'est une belle qualité. Elle est un peu bébé, mais elle est gentille. Jamais dit ça. Et alors, défaut elle fait trop de bruit. Beaucoup trop. Oui. Oui, t'es bruyante. Tiffany ah. Oui, pour ça. Allez, je tire au sort un autre prénom et ce sera Frisco. Ouais. Qui va balancer oh, là, sur Jérém. Alors, mon petit canaillou. Qu'est-ce qu'il va me dire, lui? Non, mais t'es. Mais... c'est dur, c'est mon pote. Qu'est-ce que je vais lui dire? Il est drôle, moi il me fait rire, il a un humour que j'aime bien. Donc il est très drôle. Et un défaut sur toi, tu sais pas faire deux choses à la fois. C'est relou. C'est super chiant. Je te jure. Quand on te parle, on doit répéter 15 fois parce que le mec il fait pardon, j'étais en plein de penser dans mes trucs. Tu sais, tu fais mes bordels, ouais, ça fait 10 minutes que je suis en train de te parler. C'est vrai. Jérém, ah, il est relou. Ouais. Jérém, sur moi. Qualité, un défaut. Oh alors. C'est soit la musique va partir tout de suite. Alors. Commence par le défaut. Commence par le défaut. Un défaut? Il va trouver plus facilement, salopard. un défaut, c'est que tu peux parfois être trop explosif dans le sens où tu vas vite t'emballer, quoi. Ouais, j'aime bien, moi, ça. Genre, mon côté tose. Genre, il y a un truc qui t'énerve, bah ça, mais ça va être too much, quoi. Tu vas insulter tout le monde autour de toi. J'annonce la troisième guerre mondiale. Le mec, il a pas de juste milieu. Il n'y a pas de palier, moi. Ouais, voilà. Il n'est pas content, il n'est pas content. Et ta qualité, c'est que tu te rends compte, et c'est lié, c'est que tu te rends compte que... Ouais, j'étais un peu trop loin, peut-être. Donc, tu te remets bien en question. Oh, c'est gentil, ça. Ouais, c'est important. Il y a des gens qui se remettent pas en question. Moi, ça m'énerve. Mais toi, tu te remets en question, c'est cool. Ah, bah merci. Ouais. Ça sert beaucoup plus, moi. Ouais. Oui, t'as 16h57. Hein. Je vais pas bien. Allez, on met la ceinture. Je vais au solaire. Seda, calienta mi corazón como en una novela en la televisión. Necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas y no la puedo controlar. Creo que mi cintura choca con mi cultura, tropiezo con la arena, ya no me puedo controlar. Y bajando, bajando, olvidando, olvidando que estoy bailando, bailando, y así hasta el amanecer. Porque mi cintura necesita tu ayuda. Avec nous les fifous, dans un instant c'est Zed qui va arriver côté hit et on va faire un petit maximo, faire deviner un maximum de mots en 30 secondes à un auditeur. Ça va être génial, c'est génial. Vendez vite, achetez mieux. Tous nos magasins sur cashconverters.be. Il est 7h01 sur Énergie. Bienvenue. And you're listening to Énergie. Le coq, il est cassé. Oh, oh, il est cassé, le coq. Oh, oh, oh. Pour un avenir ensoleillé, pensez à l'épargne pension de Fédéral Assurance. C'est 7h02 sur Énergie. Z qui arrive côté dans un instant. Avançons un petit point sur la météo pour aujourd'hui, Aurélie. Des nuages, de la pluie, quelques éclaircies, mais surtout sur l'ouest du pays, des températures entre 6 et 12 degrés. On s'informe l'actu de ce jeudi 29 novembre, c'est avec Aurélie Adam. Bonjour Aurélie. Bonjour Marco, bonjour à tous. On attend 3000 personnes dans les rues de Namur aujourd'hui. La FGTB organise une chaîne humaine pour protester contre la réforme des aides à la promotion de l'emploi. Réforme qui pourrait aboutir à la suppression de 3500 emplois en Wallonie. La manif a lieu entre 9 et 13 heures. Elle reliera le Parlement au gouvernement wallon. Cette manif, elle devrait provoquer des perturbations sur le réseau des techs. Des perturbations qui devraient toutefois être limitées. Toutes les infos se trouvent sur le site infotech.be. Un droit à l'oubli pour les personnes atteintes de maladies graves, c'est ce que propose le ministre des Consommateurs, Chris Peeters. Il souhaite en fait donner aux anciens malades un accès plus facile aux polices d'assurance. On passe au sport en football. Dortmund et le club de Bruges ont fini sur un nul blanc hier, lors de la cinquième journée de la Ligue des Champions. Les Brugeois sont à présent relégués en Europa League, où ils disputeront les 16e de finale. Et puis justement, en parlant d'Europa League, on joue la cinquième journée ce soir à 21h. Genk affronte Malmo. Le Standard fait face à Séville. Et puis Anderlecht fera face à Ternava. Achetez maintenant un smartphone, une tablette ou une montre connectée Samsung et nous vous remboursons la TVA. Conditions en magasin et sur blueweek.be. C'est jeudi 29 novembre, il est 7h04. Bonjour! C'est jeudi. On se met dans la bonne humeur en ce jeudi, on le démarre tous ensemble, ce nouveau jeudi. On l'adopte et on le démarre avec vous dans la bonne humeur sur Énergie avec Z dans un petit instant. On va faire un petit jeu très sympa, c'est le Maximo. Oh 30 secondes. 30 secondes où il faut te faire deviner en fait un maximum de mots à un fifou. On joue en compétition comme ça, en espèce de duel. Ça sera dans quelques minutes. En attendant, toute l'équipe est là. Il y a Tiffany au standard ce matin. Bonjour tout le monde, bonjour Marco. Fais-moi ta plus belle danse de samba. Ok. Plus jamais tu fais des danses de samba. Non. Je vous rassure, heureusement qu'on fait de la radio pour ce moment-là. Ah oui, parce que les enfants feraient des cauchemars. Des cauchemars. Jérémy là aussi ce matin. Bonjour l'équipe, bonjour la Belgique. Bonjour, bonjour. Il y a Frisco. Bonjour tout le monde, bonjour Marco. Et il y a Aurélie de la rédac. Bonjour. On espère que tout va bien ce matin. Soyez bienvenue Z tout de suite et juste après le Maximo. Et alors, on va parler d'un petit sujet ce matin très sympa. Ça va vous mettre colère ou pas? On va voir. Somewhere in the crowd, in a foreign place, are you happy now? There's nothing left to say, so I shut my mouth. So won't you tell me, babe, are you happy now? You're the only one who can up and run, leave me just as empty as the day you came. You hold Soprano va arriver dans un petit instant, extrait du nouvel album Phoenix. On va l'écouter. Soprano qui sera bientôt avec nous aussi sur Énergie. Non, ouais. Ça, c'est non. La bonne nouvelle. Si, ouais. Non, ok, d'accord. C'est bien parce que maintenant elle commence à réagir toute seule. Ouais. Vois, elle se rend compte elle-même qu'elle doit. Non, ok, d'accord. Okay. Soprano, mardi prochain. Mardi qui arrive là. Trop mardi chouette. 4 décembre, Soprano chez Rally de Wendy entre 16h et 20h. On lui demandera d'enregistrer des jingles pour nous. Oh oui. Oh oui. Salut, c'est Soprano, je suis un fifou. Oh, excellent. En fait, je sais pas s'il voudra. Hein. Il est super cool. On verra ça dans quelques minutes. Avant ça, 7h08, voici le moment du Maximo. Maximo. Oui, implorez-le. Ouais. Maximo, 30 secondes pour faire deviner un maximum de mots à des fifous qui viennent jouer ce matin avec nous. Qui est là? Qui est là? Alors, il y a Marielle qui vient de Sambreville. Elle est mariée. Elle a une petite fille, enfin une petite, de 22 ans qui s'appelle Naomi. Elle adore la lecture, les mots croisés et le shopping. Et puis, elle aime aussi beaucoup les émissions comme Dossier criminel ou encore Faites entrer l'accusé. Et puis, ça va lui faire plaisir puisque sa musique du moment, c'est Shallow de Bradley Cooper et Lady Gaga. Ah, sympa, sympa. Bonjour, Marielle. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Comment ça va ce matin? Bonjour à tous. Ça va très bien, très bien. Et vous? Ouais, ouais, c'est jeudi. Tout va bien. Jeudi, c'est toujours bien. Le jeudi, c'est chouette. Marielle qui va jouer avec nous ce matin, mais elle ne sera pas seule puisque on le rappelle, hein, le Maximo c'est en duel. Elle va jouer contre Léa qui travaille comme sage-femme du côté de Arlon. Elle a fait de l'équitation pendant 10 ans. En ce moment, elle regarde les séries Demain nous appartient et The Good Doctor. Et puis sa musique du moment, c'est Palladium de Brigitte, comme mes chaussures. Ah, Palladium de Brigitte. Oui, ouais. Brigitte, c'est ceux qui avaient fait des reprises. Les deux nanas. Les deux meufs. Eh ben, j'aime bien. Qui avaient fait la reprise de Cool Chain, enfin de Jam. Ouais, ben Cool Chain avec Joe Star, mais Adrien Thème. Et ben, je vous cache pas que j'aime beaucoup ce qu'elles font, et Brigitte. Ouais, vraiment. Laisse-moi zoom, zoom, zen, dans ma Benz. Tu vois, le truc super calme comme ça, là. Léa, salut Brigitte. Bonjour Léa. Bonjour. Bonjour. Attends, je vais mettre un truc de Brigitte si on a ça dans le bazar, là. Ouais, non, on n'en a pas. Voilà. Sois la bienvenue Léa, bienvenue Marielle. On va jouer ensemble. Maximo, vous allez jouer chacune avec quelqu'un de l'équipe qui va devoir tenter de vous faire deviner un maximum de mots en 30 secondes. Mmh. Marielle. Oui. Tu as envie de jouer avec qui ce matin? Il y a Tiffany au standard, il y a Aurélie de la Red Dac, il y a Jérém, il y a Frisco. Où je peux jouer? Jérém. Okay. Jérém, Maximo avec Marielle. Et alors Léa, tu choisis qui de l'équipe? Toi, Marco. Oh, chouchou, c'est gentil, merci. Très bien. Maximo, maximum de mots à faire deviner pendant 30 secondes. C'est Marielle qui démarre avec Jérém. T'es prêt, mon Jérém? Oui. Un maximum de mots à faire deviner à Marielle en 30 secondes. J'enclenche le chrono. 3, 2, 1, c'est parti. C'est ce que tu mets dans un album? C'est un album? Photo. Oui. Alors, quand tu regardes à la télé, les chanteurs, ils font des... C'est envie. Des quoi? Des playback. Non, il faut des, c'est des vidéos de leurs trucs, quoi. C'est des clips. Oui. Tiffany a son rire. C'est une personne. C'est une actrice. Elle est jolie. Je passe. Oui. J'adore en manger. Frisco aussi. Et oh mince. C'est fini. Ça fait deux points. Elle t'a choisi. En plus, elle te dit c'est à cause de toi. Ah là là, bon, Marielle, deux points, c'est dur. Mais attends, ouais. on n'est pas à l'abri que j'y arrive pas non plus. Oui, c'est cool. On va y arriver. On va y arriver, Maléa. On est confiant ou on n'est pas confiant? On est confiant. On n'est pas confiant, t'imagines? Ok, on y va, 30 secondes, j'enclenche le chrono. Un maximum de mots à te faire deviner en 30 secondes, Léa. C'est parti. Luminus, tout ça, c'est quoi? C'est de le? De? J'ai pas compris. Luminus. Luminus, quand on allume la lumière, c'est ouais, mais la du coup, lumière, c'est quoi qui fait qu'il y a de la une lumière? Ampoule? Non, bah non, c'est l'énergie, on appelle ça de l'électricité. Ouais. Bah justement, l'électricité, si on l'allume, on allume là. Le courant, la prise. Tu viens de le dire juste avant. Juste avant, au milieu de l'ampoule. La pièce pour voir clair, l'ampoule. Pour voir clair. La lumière. Ouais. Pour faire de la radio ou pour faire de la moto, on doit mettre un. Un casque. Ouais. Vite, donne-moi le mot. Mais non. C'est pas grave, t'as trois. Eh, j'ai trois. On a gagné, Léa. Mec, tu vas choper Luminus pour dire électricité. Pardon, je voulais faire vite. Je voulais que ça aille vite, toi. Ah ben ouais, t'as fait vraiment tu vite. Tu peux faire plus vite, hein, quand t'es dans le noir et que tu veux voir quelque chose, tu fais quoi? T'allumes là. Mais là, c'est non, c'est l'électricité. Oui, ah, oui, après, la lumière, oui. Ah mais oui, bien vu, des coupures de... Bah, tu m'aurais dit courant. Oui, mais après, j'aurais dit électricité. C'est vrai, bien vu, Léa. Bah, c'est pas grave, on a gagné. Enfin, tu as gagné. Moi, j'ai droit de rien gagner du tout, moi. Ah, Léa, bravo, cadeau pour toi, ma chérie. On te laisse choisir un cadeau du 6-9. Et puis, tu sais quoi, Marielle, je suis sympa, je t'offre quand même la dernière compil énergie. Ah, c'est très gentil. Bah oui. Bah c'est, oui. Ah, c'est Jérém qui la paiera de sa poche. On vous souhaite une très belle journée, les filles. Merci d'être venues ce matin. Bisous, à moi aussi. Bisous. Bisous, bisous, Léa. Bisous, Marielle. Et puis, bah, nous, on continue avec vos hits préférés. Voici Soprano sur Énergie. Et juste après, on revient avec un sujet, les gars. Ça va vous. Maman m'a dit la vie n'est pas facile, mais plus facile avec un grand sourire. Donc, je souris quand j'ai mal à la vie. Car maman m'a dit qu'il y a toujours plus maudit. Elle m'a dit, donne ça, ça t'en remercie. Vis ta vie comme une jeunesse infinie. Tends toujours la main aux plus démunis. Avant d'être important, sois un homme. Elle m'a dit aussi qu'ici tout est fragile. Si tout s'écroule, tu reconstruis, c'est comme ça la vie. Oui, combien de douleurs indélébiles, combien au paradis. On vit avec cette mélancolie, c'est comme ça la vie. Maman m'a dit laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, danse, danse, à la vie, à l'amour. Laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï. D'où je venais, mais surtout qui j'étais. On avait peu, mais on savait donner. Elle m'a toujours dit, chez nous, l'accueil est inné. Sauf que tu es, te laisse pas colorier. Beaucoup sont morts pour cette liberté. Ne salis pas tout ce qu'on a sué. Mais surtout, ne te fais pas marcher sur les pieds. Ma maman m'a dit, le monde, il est fêlé. Change avec ton humanité. C'est comme ça la vie. Oui, offre le monde à ta moitié et à tes héritiers. Offre ta vie entière à les aimer. C'est comme ça la vie. Ma maman m'a dit, laï, laï, laï. Danse, danse, à la vie, à l'amour. Laï, laï, laï, laï, la la la. D'énergie, ça sera mardi entre 16h et 20h, mardi 4 décembre là qui arrive, avec Rally des Wendy. Soprano sera chez nous avec un live à mon avis et ça va être très sympa, l'interview. J'adore Soprano, très gentil comme mec, ouais. Adorable et très simple. Très simple et très intelligent en plus, donc vraiment très très chouette moment avec lui à partager mardi. Dans un instant, distribution d'Exomil pour tout le monde avec LP. Cette chanson. Mais elle est magnifique cette chanson. Je dis pas attention, loin de là, je ne critique pas le talent. Mais évidemment, merci. Mais elle est pas bien quand même, faut l'aider. Gagnez vos places pour le concert Énergie de MHD. Oh, c'est la puissance, c'est la puissance. C'est lui aussi, ça. C'est lui. Ouais, c'est MHD. 9-2, c'est la Champions League. 9-3, c'est la Champions League. Pa, pa, pa, pa. C'est lui aussi. Ouais. Hey, MHD. C'est lui aussi. MHD. C'est le frère aussi de Maître Gims, pour votre enfant. Pas du tout. Mais non, c'est pas lui, c'est Dadou. C'est absolument pas le frère de Maître Gims. MHD, c'est le frère de personne. Il est tout seul, c'est. Voilà. Ouais. MHD, c'est MHD. Ouais, il était livreur de pizza, si tu veux de l'info sur lui. Ah, bah voilà. Si vous voulez assister au concert d'MHD avec Énergie, ça va se dérouler le 17 janvier prochain à la Rocale au Luxembourg. On a des places pour vous, ça tombe bien. Trop chouette. Toute la semaine là en ce moment, grâce à la phrase Énergie qu'il va falloir retenir. Attention, je vous la donne. Ouvrez les guillemets. Je veux aller au concert de MHD avec Énergie. Ouais, c'est dur, hein. Compliqué, hein. Ouh là là. De plus en plus difficile. Très ici. Difficile la phrase. Energie.be pour vous inscrire ou alors via l'application Energie Belgique, vous la téléchargez, vous vous inscrivez, on vous appelle à tout moment de la journée, on vous demande la phrase Energie, vous la répétez et c'est deux places pour vous pour aller donc à la Rocale le 17 janvier voir MHD en concert. On écoute LP dans un instant. Et on va parler foot ce matin, mais foot sans parler de foot. Donc les filles, ne fuyez pas, vous inquiétez pas. Ça va vous intéresser aussi, je pense vraiment, sincèrement. C'est même un truc qui peut nous mettre colère, hein, je vous le dis. C'est vrai ? Aïe, je sais pas trop. Ça, en fait, ça va être un débat. Hein. Je vous l'annonce, ça va être un pour ou contre parce qu'il y en a qui vont être OK, puis il y en a qui vont pas être d'accord. Donc voilà. On lance ça dans un instant après LP sur Énergie. Vous savez que votre radio est allumée sur Énergie. Parce que vous entendez les plus gros hits toute la journée. Vos hits préférés toute la journée. Quand t'es pas là, toi, là où les mots font s'aimer les âmes, si tu l'entends, ça, je te pardonne. Énergie. It's music. Only. Chez Carrefour, nous pensons que tout le monde a droit au meilleur. Oui, même ceux qui ont bien besoin d'une bonne nouvelle pour retrouver la banane. Et bien voilà, jusqu'à mardi, dans tous les magasins Carrefour, nos bonnes bananes Carrefour sont à seulement 99 cents le kilo. Carrefour, on a tous droit au meilleur. Tu comprends, toi, pourquoi certains n'aiment pas les achats de Noël ? Aucune idée. Il suffit d'aller à Maas-Mechelen Village, non ? Évidemment, on y trouve tous les cadeaux tout en se baladant. Et l'ambiance de Noël, c'est magique. En plus, il y a de très bons restaurants, alors que demander de plus ? Une petite robe de soirée, un joli sac. Oh, Luxury for Less. Le plus bel endroit pour tous vos cadeaux de Noël ou pour une tenue de fête, c'est à Maas-Mechelen Village. Profitez dès le 1er décembre de nos offres supplémentaires jusqu'à moins 50% à l'achat d'un minimum de 2 articles. Plus d'infos sur maasmechelenvillage.com. Aujourd'hui, Décathlon rend hommage à Fanny. Pour les fêtes, Fanny souhaite toujours une bonne santé à ses amis. Mais cette année, elle a décidé d'en faire plus. Ah bah oui, c'est mes amis. Et de leur offrir cette bonne santé. Elle est donc allée chez Décathlon pour faire ses cadeaux. Fatma a reçu des élastiques. Tiens, c'est pour tonifier ton corps. Merci. Amalia, un disque d'équilibre. Tiens, c'est pour renforcer ton équilibre. Et Isabelle, un tapis de fitness. Oh bah moi, j'aurais préféré un tapis de yoga. Oh bah c'est pas grave, on va les changer, tiens. Bravo à toi, Fanny. Parce que le sport, c'est le plus beau des cadeaux. Viens vite sur Décathlon.be ou dans nos magasins. Décathlon. Ce moment où tu sembles nier quelqu'un dans la rue. Hey, tu me reconnais pas ou quoi ? Et ce moment où ta meilleure amie veut essayer tes lunettes. Hey, mais je vois beaucoup mieux. Bah, alors va chez Pearl, tiens. En ce moment, chez Pearl, 3 paires de lunettes pour le prix d'une. Achetez-en une, recevez-en une entièrement gratuite et offrez-en une en cadeau. Conditions sur pearl.be. Le noir est élégant, sobre, sexy. Le noir ne se démode jamais. Mais désormais, Opel is the new black. Parce que le style se trouve souvent dans les détails. Des détails comme des jantes noires, un toit noir ou des rétroviseurs noirs. Alors à partir du Black Friday, choisissez une Opel richement équipée et recevez jusqu'à 9 550 € d'avantage sur toute la gamme Opel. Offre soumise à condition. Ma maman, c'est la meilleure maman du monde. Donc elle mérite le meilleur cadeau de Noël. Une idée peut-être ? Bien sûr. Créez un album photo Seway. Seway a été élu meilleur service photo du monde. Et un magnifique coffret cadeau est offert pendant les fêtes. Il n'y a donc pas mieux. Créez votre album photo CEWE sur cewe.be. Mesdames et messieurs, c'est votre commandant de bord qui vous parle. Bienvenue à bord de ce vol RKC-55 à destination de Kuala Lumpur. C'est la destination que nous attendons dans le secteur. Nous voulons atteindre également une période de 32 900 pieds et nous allons peut-être atterrir si jamais de... Parfois, on n'a rien compris. Et parfois, on a tout compris. Comme avec l'offre tout compris de Baze. Pour 37 € par mois, vous avez 12 gigas de data, les appels illimités et un Samsung Galaxy A7 à 1 €. Profitez-en vite. Infos et conditions sur baze.be. Baze. Room is dark, the blinds are shut tight. Everything is still too much outside. It may be over, but not tonight. I may be older, but I still cry. I can't stop sleeping in your clothes. You can't stop calling on the phone. Can't you see I'm in C'est en 25 sur Énergie, je plaisante, et puis on aime bien, on adore. Bah oui, dans en plus, ça va avec le temps de la Belgique. Mais voilà, dans un instant du chocolat, les gars, on continue. Ah oui. L'artiste qui va venir avec chocolat, ça va être énorme, ça. Chocolat. T'avais ramené des chocolats à purée. Avant ça, grand débat. Là, ce matin, je sais pas si on va mettre tout le monde d'accord sur ce sujet, je vous le dis. On va parler des Diables Rouges, et c'est le chanteur français de 60 ans. Qui vit à nouveau à Bruxelles. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu notre ami Francis Lalanne. Oh, mais pourquoi il est revenu celui-là ? Je n'en sais rien. Reste chez toi. Il ne voulait pas se lancer dans la politique. Hein, ouais, je ne sais pas. Ils ne lui ont pas trouvé une place au Fort Boyard. Parce que... il vient de s'engager à la police ou je ne sais pas quoi en France. Bref, il s'est engagé quelque part. Il est partout en fait. Bref, retourne dans ta cabane au fond du jardin, on n'en parle plus. T'es bête ou quoi ? C'est pas lui. Hein. C'est Francis Cabrel. C'est pareil. Mais non. C'est le même combat. Francis le mec, retourne dans ta cabane. A dit, je cite, la Belgique est la première nation qui a gagné la première Coupe du Monde. C'est ce que rappelle Francis Lalanne. C'était contre l'Espagne en 1920. Alors, c'était pas vraiment la Coupe du Monde, puisque c'était les Jeux Olympiques. Ben, c'était d'ailleurs les Jeux Olympiques. On en avait déjà parlé dans cette émission. Ouais. Vous avez je savais pas que c'était la première fois qu'il y avait un tournoi mondial de foot. Premier Jeux Olympiques, on va dire, de football en 1920. C'était chez nous, d'ailleurs, hein, que ça a été organisé. Et on avait en effet gagné. Donc, pour lui, on a le droit à une foutue étoile. Donc, il est en train... Le mec, déjà, j'ai envie de dire, mais de quoi tu t'occupes ? Retourne chez toi. Il est français, non ? Mais oui, en plus. Bah donc, oui. Bah, occupe-toi. Et toi, t'en as deux, t'es pas content. En fait, le mec, c'est un distributeur d'étoiles. Et en gros, il dit que cette grande nation du football se doit d'avoir son étoile qu'elle a gagnée donc, en 1920. Il a monté un comité pour carrément faire un truc à la FIFA avec un courrier, tout le bazar. Pour que les Belges aient le droit de porter cette étoile de champion du monde. Sérieusement, en fait, il s'ennuie. Mais non, gars, mais c'est sympa. Il a que ça à faire. Mais oui, mais c'est pas une vraie Coupe du Monde, du coup. Donc. Alors, il chante plus, alors il se dit, hé, hey, je vais refaire parler de moi. C'est le grand débat de ce matin. Est-ce que vous êtes pour ou est-ce que vous êtes contre cette étoile qui, je vous le rappelle, a été gagnée en 1920 aux Jeux Olympiques. Donc c'est pas une Coupe du Monde, mais on pourrait l'avoir. Et c'est vrai, on peut l'avoir. C'est le cas de l'Uruguay qui ont 4 étoiles et ils en ont deux vraiment. Deux coupes du monde. Ouais. Alors, pour ou contre cette foutue étoile sur le maillot des Diables Rouges, c'est le débat de ce matin. Vous nous dites 30-18 par SMS, le 0800-234-56 aussi pour nous appeler. Jérém. Contre. Contre. Même si j'aime beaucoup les Diables Rouges, non, c'est pas une Coupe du Monde. C'est on est d'accord. Pas d'étoile. Réagissez à ça, pour ou contre l'étoile sur le maillot des Diables Rouges, 30-18 par SMS, on en parle juste après. Rentrer dans ma vie comme dans un freestyle, t'as voulu qu'on s'évade comme Bonnie and Clyde. J'ai voulu percer ton cœur en titane, j'ai vite compris que je n'étais pas taille. Baby, alors, on va où, on fait quoi, on s'enfuit, loin d'ici, on y va. On est si différents, c'est ce qui nous attire. Bang, bang, bang, autour ça tire. Viens avec moi si t'es prête à partir. Je veux pas rester là, ils veulent nous en servir. Hey, alors, on va où? On fait quoi? On s'enfuit, loin d'ici, on y va. Elle est sexy raffinée. Sexy raffinée. Elle est sexy raffinée. Sexy raffinée. Elle est sexy raffinée. Sexy raffinée. Chocolat. Chocolat, chocolat, chocolat, chocolat, chocolat, chocolat, chocolat, chocolat, chocolat, chocolat, chocolat, chocolat, chocolat, chocolat, chocolat, chocolat, chocolat, chocolat, chocolat, chocolat, chocolat, chocolat, chocolat, chocolat, chocolat, chocolat, chocolat, chocolat, chocolat, chocolat, chocolat, chocolat, chocolat, chocolat, chocolat, chocolat, chocolat, chocolat, chocolat, chocolat, chocolat, chocolat, chocolat, chocolat, chocolat, chocolat, chocolat, chocolat, chocolat, chocolat, chocolat, chocolat, chocolat, chocolat, chocolat, chocolat, chocolat, chocolat, chocolat, chocolat, chocolat, chocolat, chocolat, chocolat, chocolat, chocolat, chocolat, chocolat, chocolat, chocolat, chocolat, chocolat, chocolat, chocolat, chocolat, chocolat, chocol

Ce délai pourra toutefois être diminué pour certaines maladies. Par exemple, il sera d'un an pour le cancer du sein. Bon, pour voir cette mesure réalisée, il faudra du temps puisque le texte doit encore passer par le Conseil des ministres et le Parlement. On passe au sport. En football, Dortmund et le club de Bruges ont fini sur un nul blanc lors de la 5e journée de la Ligue des Champions hier soir. Du coup, les Brugeois sont relégués en Europa League où ils disputeront les 16e de finale. Et puis en parlant d'Europa League, on joue la 5e journée ce soir à 21h. Genk affronte Malmo et le Standard fait face à Séville. Et puis Anderlecht fera face à Ternava, ça sera à 18h55 pour l'honneur puisqu'Anderlecht n'est pas qualifié, est plutôt éliminé. Aïe. L'info énergie. C'est tous les jours à 7h30, une info énergie. On parle de quoi ce matin, Aurélie ? On va parler football, on va parler justice, on va parler de la France, on va parler de bébé. Mélange. Oui, mais vous allez comprendre pourquoi je mélange tout. Parce que la justice a été saisie en France. Pourquoi ? Parce que des parents veulent appeler leur fils... J'ai vu. Ah ouais, par un nom. Griezmann Mbappé. Tout à fait. J'ai vu ça ce matin. Griezmann Mbappé. C'est un prénom composé alors ? Oui. C'est comme Jean-Édouard, quoi. C'est comme Jean-Édouard. Ok, d'accord. Et en fait, l'officier d'état civil, normalement, c'est lui qui doit prendre la décision d'accepter ou pas. Et le pauvre monsieur, il ne sait pas. Il ne sait pas ce qu'il doit faire, donc il a saisi la justice et c'est la justice qui va devoir trancher. Ouais, ils vont dire non, mais ils ne sont pas fous quand même. J'espère bien qu'il va dire non. C'est comme si tu appelles ton fils Nutella. Oui, il n'y a aucun rapport, mais c'est un nom. C'est pas un nom à porter, quoi. Bah, il faut savoir qu'en France, visiblement. Il y en a qui ont des idées bizarres. Par exemple, en Bretagne, il y a des gens qui ont voulu appeler leur enfant Tilde. Vous savez, c'est le petit, accent au-dessus des N en espagnol. Ah oui. Ça s'appelle un Tilde. C'est un Tilde. Donc, ils ont voulu appeler leur enfant Tilde. Oui, mais juste le truc. Le petit signe. Ouais, enfin, Griezmann et Mbappé, ouais, c'est comme dit Tiffany, tu vas appeler ton fils Hazard Meunier, c'est n'importe quoi. Si t'appelles ton enfant circonflexe. Par exemple, c'est comme si tu disais à ton enfant, tiens, tu t'appelleras Tiffany, assume Allez ça. Allez, je l'appellerai Lukaku Courtois. Oh. Et imagine Alderweireld Vertonghen, le délire. Pour avoir chaud, on se met avec notre petite Marie dans un bain bien chaud. Au bain-marie. Original, mais combinez plutôt le mazout avec les énergies renouvelables. Découvrez votre combinaison parfaite sur informazout.be. Bon, c'est vrai, on n'a pas gagné la Coupe du Monde. Mais au moins, le matin, dans le 6-9 sur Énergie, on a... Eh ben non, on n'a pas non plus les champions du monde. 7h36, bonjour. Bonjour. Pas gentil, la fille. Mais non. On en reparle de ça, justement, de cette fameuse étoile, Francis Lalanne, qui vient de s'occuper de ce qu'il ne regarde pas et qui lui a monté un comité pour qu'on ait notre étoile sur le maillot. Parce que c'est vrai, on l'a gagné en 1920. Mais en 1920, puis on est en 2018, wow. C'est ça, quoi. We all come. Bonne journée avec nous sur Énergie. Jason Derulo qui va arriver dans un tout petit instant pour vous. On parle de ce pour ou contre, c'est le débat de ce matin. Pour ou contre cette étoile sur le maillot des Diables, voilà, puisque Francis Lalanne a dit qu'on l'a mérité, puisqu'on l'a gagné en 1920. On reparle de ça avec vous dans un tout petit instant. Et si c'est un Français qui le dit en plus. Pour ou contre, dites-nous 38 par SMS, je vais vous expliquer pourquoi aussi, hein, pour ou pourquoi contre. Ou alors vous appelez Tiffany 0800 234 56, et il y a les réseaux sociaux aussi, hein, pour nous retrouver, c'est gratos. Les FIFO du 6-9 sur Énergie, tout simplement, et vous venez réagir aux publications. On va jouer avec Ghislaine ce matin. Oui, qui travaille comme employée administrative. Elle a deux enfants qui s'appellent Ziad et Veana. Elle aime la lecture et elle fait du spinning depuis 3 ans. En ce moment, elle regarde la série John Luther sur Netflix. Et puis son plat préféré, c'est le vol au vent frites. Oh, moi, c'est ça bon, me donne trop envie, je t'avoue. Ah oui, un bon plat d'hiver. Un bon petit vol au vent avec des bonnes frites. Ça fait longtemps en plus. On ferait pas ça à midi? Oh là là, calme-toi, calme-toi. Ghislaine, bonjour. Bonjour Marco. Bonjour. Sois la bienvenue, Ghislaine. Bonjour, bonjour. On va jouer avec toi aux 7 questions de la mort qui tue. Ça, j'adore. C'est aussi un de mes jeux préférés dans la semaine. Je vous le cache pas. Pourquoi ? Puisque je vais poser les 7 questions et il faut retenir les 7 réponses et il faut toutes les donner à la fin et dans l'ordre. Oui. Ghislaine, c'est pas toi qui va le faire malheureusement parce que bon, on pourrait faire de la tricherie assez facile, donc on évite. Et le but, c'est de s'amuser. Du coup, Ghislaine, tu as envie que qui joue pour toi ce matin ? Il y a Jérém, il y a Frisco, il y a Tiffany du Standard ou il y a Aurélie de la Rédac. Je vais prendre. Tiffany, après 3 semaines consécutives, la nana, ça devient son jeu. C'est, on va plus l'appeler cette question de la mort qui tue, on va l'appeler la Tiffany de la mort qui tue. C'est trop bien. Merci. C'est parti, voici les 7 questions de la mort qui tue. Vous pouvez jouer aussi chez vous, retenez les réponses et on se les donne tous après dans l'ordre. T'es prête? Ouais. C'est parti. Cite un film qui commence par Tita et qui finit par Nick. Vrai ou faux, une palourde est appelée comme ça parce qu'elle est très légère. Quel est ton jour préféré dans la semaine si tu enlèves le mercredi, le jeudi, le vendredi, le dimanche, le mardi et le samedi ? Selon l'expression, il ne faut pas chercher midi à... À quelle heure ? C'est le synonyme de pelouse et il a le gaz. Attends. Attends. Il reste 20 secondes. Ouais. Crie très fort, je suis un fifou sur Énergie. Et enfin, à quelle date se fera le réveillon de la Saint-Sylvestre ? Oh, elle est pas bien. Non. Titanic, faux, lundi, 14h. Oh non. On a 4 là, encore 3. Allez. 14h. Après 14h. Titanic, faux, lundi, 14h. Rigole pas, ça me fait pas rire. Allez, Titanic, faux, lundi. 14h. Ouais, ça, tu l'as déjà dit. Hein. Ouais, je sais bien. Gazon. Ah non, hein. Il en reste 2. Et le dernier, c'est le 31 décembre. Deux. Mais. Et l'autre, c'était simple. En plus, ça te correspond. Ben oui. Enfin, Tiffany. Folle. Attends, Titanic, faux, lundi, 14h, gazon, jus, allez, hein. Il y a le duel qui arrive. Hein. Non. Oh, il est sur le bon cheval, hein. Eh ben voilà, eh ben ne jouez plus et avec Tiffany. Je suis un fifou sur Énergie. Ah, ben ouais, tu vois, mais j'avais perdu le fil à ce moment-là. Eh ouais, c'était Titanic, faux, lundi, 14h, gazon. Je suis un fifou sur Énergie. et le 31 décembre. Oh là là, nul. Désolé, on peut en choisir. Non, mais c'est parce qu'elle aime bien dire t'as misé sur le bon cheval. Ben là, c'est un beau poney. Hein. C'est une licorne, là. Ouais, c'est ça. Un âne, ouais, surtout. On te souhaite une bonne journée, Gisèle. Bonne journée à vous. Bisous. Désolé à toi. Bisous, désolé. Tu t'arranges avec Tiffany, c'est de sa faute. C'est elle la responsable. Okay, bisous à toi, Gisèle. À bientôt. Bisous, Gigi. Bisous. On écoute Jason Derulo sur Énergie. Pour ou contre cette étoile sur le maillot des Diables Rouges, Frisco? Évidemment contre. Ah ouais? Ouais, mais je suis supporter des Diables Rouges, mais c'est pas une Coupe du Monde. Ouais, bah on en reparle avec vous, c'est le débat de ce matin. Pour ou contre cette étoile que Lalanne veut nous donner? Pour vous sur Énergie. Et là, ce matin, on a du cadeau. Jérém, vends-nous ça bien. Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Hey, bonjour. Et bienvenue sur Énergie Achat. Aujourd'hui, on vous offre un superbe cadeau. Un cadeau magnifique que vous allez pouvoir profiter avec votre famille ou avec vos amis. Et oui, mon cher Frisco, mon cher Marco, ma chère Tiffany, on offre 2000 euros ce matin. 2000. Wow. Je ne dis pas 1000. Je ne dis pas 1100 euros, je ne dis pas 1200 euros, je ne dis pas 1300 euros. C'est bon, on a compris, on a compris. À 2000 euros. Wow. Alors, c'est très simple, vous envoyez vacances au 78. C'est un euro le message, envoyé et reçu. Bonne chance à vous, on vous appelle à 9h, c'est dans moins d'une heure. Et 2000 euros de vacances pour vous sur Casse. Julien Doré, Louane, ça arrive. On reparle de cette étoile, on la prend ou on la prend pas. pour ou contre. On finit le débat là-dessus avec vous. Il y a le duel énergie qui va arriver aussi. Et alors, j'ai un truc extraordinaire. Chaque minute dans le monde, il se passe un truc. Hein. Chaque minute. Chaque minute qui passe. Évidemment. Eh ben, j'ai tout. Je sais tout, surtout. Tu sais tout. Ouais, ouais. T'es Dieu. Il y a 10 Frisco qui naissent tous les 10 ans. C'est juste après sur énergie. Yo, this is Major Lazer. Quand Major Lazer font leur retour en Belgique, c'est sur Énergie. Énergie, Afterwork. Vos DJs préférés s'invitent en Afterwork sur Énergie toute l'année. Rendez-vous ce soir à 19h sur Énergie pour un mix exclusif de Major Lazer. Énergie. La radio qui vous connecte à vos stars musicales préférées. Carglass répare, Carglass remplace. Un éclat dans votre pare-brise ? Si de l'eau s'y glisse et qu'il gèle, il risque de s'agrandir. Faites-le donc réparer avant qu'il ne gèle. Chez Carglass, cela ne dure que 45 minutes. Réservez maintenant sur carglass.be, aussi via votre smartphone. Oh, la magie de Noël. Oh, la galère de Noël, tu veux dire. Quoi, les cadeaux ? Ben ouais, pas toi. Oui, le truc, c'est d'ajouter une touche personnelle. Offre quelque chose que tu ne trouveras nulle part ailleurs. C'est ce que je dis, la galère. Sur smartphoto.be, tu peux réaliser une boîte à biscuits personnalisée pour ta mère, avec les photos de ses petits-enfants. Ah, pas mal. Et pour ton homme, un mug avec... Quoi, ma photo ? Non, la photo de sa moto. Pour toutes mes photos et hop, smartphoto.be, c'est top. Vive la magie de Noël. Sur smartphoto, des cadeaux originaux. Pour tous. Si la Terre se réchauffe encore, le niveau des mers va monter. Sérieux ? On ira en bateau à l'école ? Wow ! Oh zut, mes devoirs sont trempés ! Heureusement, nous n'en arriverons pas là. En choisissant l'énergie verte du soleil et du vent, nous construisons avec Eneco un plus bel avenir. Maintenant, jusqu'à 200 euros de réduction sur eneco.be. Bconic, c'est le paiement mobile tout simple, déjà chez plus de 50 000 commerçants. Bientôt chez vous ? Regardez vite sur bconic.be. On a tous une bonne raison d'aller chez Intermarché. Oh, moi, c'est pour leur champagne que Mère Noël adore. Ah, ça tombe bien, Père Noël. Le champagne de Lagny Fils, brut ou demi-sec, est en 1 plus 1 gratuit avec la carte Intermarché. 1 plus 1 gratuit ? Un champagne de qualité à 9,99€ la bouteille. Ça ose ! Intermarché, avec vous pour des fêtes moins chères. Notre savoir-faire se déguste avec sagesse. Yeah ! Maintenant, je vise la confiance en moi. J'ai vraiment besoin d'atteindre ce niveau pour décrocher mon futur job. Attitude professionnelle, gestion du stress, remédiation en maths. Développe toutes ces compétences et bien d'autres encore lors de nos ateliers sur mesure organisés dans ta région. Gagne un niveau et rapproche-toi de ton futur job. Plus d'infos, jeune.leforem.be. Chez Mercedes-Benz, nous avons surpassé vos attentes du Black Friday. Car chez Mercedes-Benz, le Black Friday devient le Black November. Cela vous donne plus de temps pour profiter de nos conditions exceptionnelles en private lease. Il s'agit d'un loyer mensuel fixe tout compris, et cela sur pas moins de 7 modèles différents en stock. Ainsi, vous prenez déjà le volant d'une CLA coupée pour un loyer mensuel de 353€ TVA comprise. Infos et conditions sur mercedes-benz.be ou chez votre concessionnaire agréé Mercedes-Benz. Offre valable uniquement pour les particuliers. Et alors, qu'est-ce qu'on dit ? Merci Saint-Nicolas ! Jouet Bros, fournisseur de bonheur. Touring, comptez sur nos 200 patrouilleurs pour vous venir en aide en cas de besoin. Un petit point sur les routes, Aurélie, ça donne quoi ? Toujours cet accident sur le 400 hauteur de Rochefort en direction du Luxembourg. Soyez prudents, la bande de droite est bloquée. Pareil pour la bande d'arrêt d'urgence. Des ralentissements à signaler en direction de Bruxelles sur le 40. Vous perdez 32 minutes en trace road et Woluwe-Saint-Etienne. Sur le 400, ajoutez 30 minutes entre Overijse et Auderghem. Sur le ring extérieur, ça coince entre Waterloo et Oulart. Ajoutez 33 minutes sur le ring intérieur, vous perdez 20 minutes entre Wautier-Brenne et Bercel. Au sud du pays, sur le 411, entre Stockheim et Sterpenich, comptez 43 minutes supplémentaires. Et puis attention, sur le 19, il y a une manif des Gilets jaunes. Hein, il se trouve à la frontière française. Soyez prudents. C'est le 6-9 sur Énergie. Le 6-9 sur Énergie. Il est midi sur novembre. Et le soleil peut attendre que j'ouvre un peu les yeux sur toi. Je me fous de ce que tu penses, moi je parle à l'évidence. Nous ne passerons pas l'hiver cette fois. Il est midi sur novembre, je Je t'ai perdu dans la chambre, labyrinthe en désert. Crois-moi, j'ai déposé des cendres dans le cendrier des anges. J'irai revoir la mer sans toi. We'll be fine. Et Dieu sait que je tremble. Tu dois te réveiller sans moi. Il est midi sur novembre. Nous ne partirons pas ensemble. Mon cœur a décidé pour toi. We'll be fine. Et le soleil peut te prendre, que j'ouvre un peu les yeux sur toi. Il est midi sur novembre, nous ne partirons pas ensemble. Ton cœur a décidé pour moi. À chaque fois, je vous le dis direct. 7h56 sur Énergie. Bonne matinée avec nous. Dans un tout petit instant, c'est le duel Énergie qui va arriver. Évidemment, il y aura Marshmello côté hit. Et là, on va clôturer ce débat ce matin. Pour ou contre cette étoile, Francis Lalanne qui a remué le couteau dans la plaie avec cette étoile qui nous manque sur le maillot, qui dit qu'on l'avait déjà puisqu'on l'a gagné en 1920. Et ouais, c'est pas faux, c'est vrai. On avait gagné les Jeux Olympiques en 1920. Mais c'est pas pour autant qu'on donne aux fautes une étoile. Mais oui. Beaucoup de frustration, je pense aussi, ce matin. Mais non, mais c'est vrai. Pour ou contre, c'est le débat de ce matin. Aurore est avec nous au standard. Bonjour, Aurore. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Aurore, est-ce que tu es pour, est-ce que tu es contre? Et dis-nous pourquoi. Je suis pour l'étoile sur le maillot. Tu es pour l'étoile sur le maillot, et pourquoi? Mais parce que ça permettrait de calmer les Français, je pense. De calmer les deux. Ah, mais ils en ont deux, alors et ça va pas changer. Ah oui, c'est vrai, oui. C'est un truc de fou, hein. La Coupe du Monde, c'est il y a trois mois, on est encore avec ça, les gars. Je vous jure que c'est vrai, il y a encore des trucs sur les réseaux sociaux où ça se fight, hein. C'est un truc de dingue, quoi. C'est n'importe quoi. Donc toi, tu serais pour avoir une petite étoile sur le maillot? Je serais pour une étoile, parce qu'en plus, ça prouverait qu'on est la première nation à avoir gagné un titre important à ce niveau-là. Ouais, c'est et vrai. Donc les Français se calmeraient, quoi. Je sais pas s'ils se calmeraient, mais en tout cas, c'est vrai qu'on est les premiers à avoir gagné en soi la première Coupe du Monde. Il faut le voir comme mais... ça. Même si c'était pas vraiment la Coupe du Monde, c'était les Jeux Olympiques. Ouais, c'est... Merci Aurore d'être passé ce matin. On te fait un gros bisou, à bientôt. Moi aussi, bisous. Salut Aurore, ouais Jérémy. Ça réagit sur Instagram, il y a Margot181 qui nous a rejoint et qui a mis contre. Ça date de 1920, s'il vous plaît, on est en 2018 là. Puis même, c'était pas vraiment une Coupe du Monde. Notre étoile, on l'aura en 2022, faut pas s'inquiéter. Ah bah voilà. Mais ouais, mais en 1930 aussi, il y a eu la première vraie Coupe du Monde. Mais c'est une Coupe du Monde, ça s'est appelé comme ça. Du coup, je comprends que les premiers de 1930 ont le truc. Oui, mais les Jeux Olympiques, c'est pas la même chose. L'Uruguay, c'est ça, hein, l'Uruguay, ouais, ils ont pris l'étoile de. Oui, mais après, eux, ils font leur life, etc. Oui, mais non, mais alors, c'est pas juste. Soit chacun fait ce qu'il veut, alors c'est le bordel, hein. tout le monde met des étoiles, c'est Noël bientôt. Hein. Ça veut dire des guirlandes, les joueurs sur le. Oui, j'ai bugué sur le mot guirlande. Alors, cette histoire m'énerve. Il y a Adri qui nous dit la question suscite le débat sur Facebook, hein, qui nous a mis ça, Adri, sur le groupe Les Fifous du 6-9. Ça suscite le débat uniquement parce que la Belgique n'a aucune étoile officielle, une forme de frustration. Si les Belges en auraient une, on ne se poserait pas la question d'une éventuelle deuxième. Ce qui est vraiment pas faux. C'est vrai que si on avait gagné la Coupe du Monde, personne n'en remettrait ça sur le tapis. Bah ouais. On s'en fout, quoi. Et ben, j'ai envie de vous dire, moi, je rejoins. C'est qui a dit sur Instagram, Margot, c'est ça? Oui. Eh ben, Margot, je te rejoins. Rendez-vous en 2022. Exactement. Et monsieur. C'est pas une étoile qu'on va prendre, mon pote. On va toutes les prendre d'un seul coup. Ça, il n'y en aura plus à coudre sur les maillots. Le mec qui va coudre l'étoile, il fait « Oh, je me suis trompé, j'en rajoute une deuxième. » Je vais même vous dire plus, le maillot sera un maillot d'étoile. Exactement. C'est un hold-up d'étoile, les mains de l'air. Allez, restez là, le duel énergie qui arrive dans un instant. Alléluia, alléluia. Hermano Sopran Baba. Hermano Shaouela. Je suis toujours resté le même. Oh oui, oh oui. Je suis toujours resté franc, oui, comme ma première SACEM. 20 ans au-dessus de la mêlée, je ne sais pas m'arrêter. Je sais que je devrais en laisser, mais bon, je ne sais que les dresser, car j'ai ça dans l'ADN. Oh oui, oh oui. Non, je ne sais pas faire autrement, je ne sais pas faire doucement. Na, na, na, na. Je les entends me tailler, normal, on taille que les diamants. Na, na, na, na. J'ai dû hériter de la baraque de mon voisin Zinedine. À la baraque, il y a une décennie de trophées, mais que des retournés à la Gareth Bale. Oh oui, oh oui. Les baffes, leur donner le tournis quand tombent les tout derniers chiffres. De leur carrière j'ai pas tourné la page, mais j'ai plutôt fermé le livre. Mélanger les styles et les gens depuis tellement d'années qu'ils n'arrivent plus à suivre, donc obligé ce soir de leur expliquer ce qui leur arrive. Viens. Zoom, zoom, zoom. Comme Diego dans la Bombonera. Comme Savastano dans la Scampia. On vient rentrer dans la leyenda. J'ai pas laissé mon ADN. Ah ouais, ouais. Me demande pas le juste prix. Le bail c'est de la frappe, tu paies. Ah ouais, ouais. Evry c'est méchant, méchant, méchant comme Marseille ou Chicago. Platin au plomo. Tous les jours je vais péter le mago. J'ai toujours un flic dans la vague. Chez Carrefour, nous pensons que tout le monde a droit au meilleur. Oui, même ceux qui ont demandé tellement de jouets qu'il va falloir élargir la cheminée. Alors jusqu'au jeudi 6 décembre, tous les jouets sont en 2 plus 1 gratuits. Uniquement dans les hypermarchés Carrefour. Carrefour, on a tous droit au meilleur. Voir conditions en magasin. And you're listening to... Énergie. Il est 8h. Pour un avenir ensoleillé, pensez à l'épargne pension de Fédéral Assurance. C'est notre rendez-vous quotidien, tous les jours à 8h05, le duel énergie, ça va arriver dans quelques secondes. Avant ça, voici la météo pour aujourd'hui. Des nuages avec parfois de la pluie, c'est ce qu'on a ce matin, mais aussi cet après-midi. Côté température entre 6 et 12 degrés. L'information de ce jeudi 29 novembre avec Aurélie Adam. Bonjour Aurélie. Bonjour Marco, bonjour à tous. Il y aura du monde dans les rues Namur aujourd'hui. La FGTB organise une chaîne humaine pour protester contre la réforme des aides à la promotion de l'emploi. Une réforme qui pourrait amener à la suppression de 3500 emplois. La manif est prévue entre 9 et 13 heures. Elle aura lieu entre le Parlement et le gouvernement wallon. Cette manif, elle devrait provoquer des perturbations sur le réseau DETEC. Des perturbations qui sont limitées pour le moment. Toutes les infos sur le site infotech.be. En sport, en football, Dortmund et le club de Bruges se sont quittés sur un nul blanc hier lors de la 5e journée de la Ligue des Champions. Les Brugeois sont à présent relégués en Europa League où ils disputeront les 16e de finale. Et puis en Europa League, justement, on joue la 5e journée ce soir. À 21h, Genk affronte Malmo. De son côté, le Standard fait face à Séville. Et puis Anderlecht fera face pour l'honneur à Ternava. Ça sera à 18h55. Achetez maintenant un smartphone, une tablette ou une montre connectée Samsung et nous vous remboursons la TVA. Conditions en magasin et sur blueweek.be. Bonjour tout le monde, jeudi 29 novembre, il est 8h04, bonjour! Bonjour! Oh là là, oui, c'est jeudi! Le week-end qui quasi démarre, et on le démarre ensemble. Pas enfin, quasi, puisqu'il y a encore jeudi à faire. Demain matin, à 6h, on se dit que c'est le week-end. Marshmello qui va arriver côté tout de suite, le duel énergie dans quelques secondes. On espère que toi bien ce matin, il y a les sondages aussi tout à l'heure. Ah oui! Ah, c'est chouette ça! Ça, c'est sympa, parce qu'on pouvait arriver au bureau, et tu savais que 3% des Belges? Excellent. Je suis sûr qu'il y en a qui ont déjà fait. Mais évidemment, évidemment. Mais profitez-en, j'ai envie de vous dire, attendez, et je vous donne de la matière pour vous la raconter, faites-le. Clairement. Et moi, je me la pète parce que j'écoute le 6-9. Marshmello, on écoute ça tout de suite. Et juste après, c'est un duel, un spécial porté disparu ce matin. Ah, oh, chouette. C'est-à-dire, ils ont chanté un truc. Et mais c'est tout. On ne l'a jamais revu. When the morning comes, and we see what we've become. In the cold light of day, we're a flame in the wind, not the fire that we begun. Every argument, every word we can't take back. Cause with all that has happened, I think that we both know the way that this story ends. Then only for a minute, I want to change my mind. Cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits, I want to see. Smile, no, that means I'll have to leave. No, that means I'll have to leave. Lately, I've been thinking, I want you to be happier. I want you to be happier. When the evening falls and I'm left there with my thoughts and the image of you being with someone else, well, it's eating me up inside. But we ran our course, we pretended we're okay. Now if we jump together, at least we can swim far away from the wreck we made. Then only for a minute, I want to change my mind. Cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits, I want to see you smile. No, that means I'll have to leave. No, that means I'll have to leave. Lately, I've been thinking, I want you to be happier. I want you to be happier. So Sandy Lewis, hein, c'est magique. On est en train de parler de l'émission de demain parce qu'on vous rappelle que demain c'est la dernière du mois. Du coup, on se fait ça en public comme à chaque fois. Et vu qu'on ne vous cache rien, vous n'êtes pas obligé de le dire, les gars. Si. On a dit au début de la saison qu'on allait être franc, on allait être nature, on dit tout. Nature, là, c'est clair. Et du coup, demain, Léa Passy sera notre invitée et on a dit qu'on allait se mettre en pyjama. Et du coup, là, Tiffany vient de percuter. Jeudi 29, donc c'est demain quand même. Hein. À 8h07, elle fait, mais j'ai pas de pyjama. Pas de pyjama présentable, quoi, pour être en public. On lui a dit, pas grave, mais une nuisette. Elle dit, ouais, va falloir, je vais devoir me raser alors. devoir me faire les jambes, quoi. Oh là là, on a... Je plains ton mec, hein, parce mais que... non, mais bon, écoute. Et déjà, va... déjà, lui est poilu, je sais pas comment c'est toi. Hein. Si vous voulez appeler le Yeti au standard, 0800-23456 sur Énergie. 8 en 8. Voici le nouveau duel Énergie. Le duel Énergie. Avec aujourd'hui encore 500 euros à gagner peut-être pour vous. Il y a 5 extraits, 100 euros par extrait. Et on a notre maître du duel qui s'appelle Amandine. 20 ans, étudiante, qui est de retour ce matin avec une cagnotte quand même qui s'élève à 500 euros. Pas mal. Bonjour Amandine. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Sois la bienvenue Amandine ce matin dans ce duel énergie. Tu vas être face à Cindy. Oui, Cindy qui travaille comme architecte d'intérieur en province de Liège. Et puis en ce moment, elle regarde la série The Haunting of Hill House sur Netflix. Netflix, alors. Alors. Oh, c'est pas vrai. Alors, n'hésitez pas à la regarder parce que moi, je l'ai vue et elle est vraiment super géniale. Et puis, Amandine. Quand tu sais pas la dire, hein. Non. Et puis, Amandine, eh bien, tu peux avoir peur, hein, puisque Cindy est dans la place et elle va te refaire l'intérieur de ta tête. Tu vas pas en revenir, elle va prendre ta place et bim! La moi, violence. J'avais pas trop d'inspiration. Ouais, ça s'est vu, ça s'est entendu. Amandine et Cindy. Cindy, bonjour! Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour les filles, vous allez vous affronter ce matin dans un duel très spécial. C'est un duel spécial porté disparu. C'est-à-dire, ce sont des artistes qui ont fait un titre, mais pas plus. Hein. Enfin, peut-être un ou deux. Mais en gros, aujourd'hui, on ne les entend plus. Pourtant, ils ont cartonné à l'époque. Vous allez reconnaître, j'en suis sûr. Vous donnez votre réponse tout simplement en donnant votre prénom, puisque la règle de ce duel, c'est que votre buzzer, c'est votre... prénom. Ouais, ouais. 5 extraits ce matin, 100 euros par extrait. Je vous souhaite une bonne chance les filles. Jouez aussi vous avec nous. Voici le duel énergie. Portée disparue, il nous faut le nom de l'artiste tout simplement. Mais ça fait longtemps qu'on les a plus entendus ceux-là. C'est parti Amandine, Cindy, bonne chance. Voici le duel énergie. On peut partir bien plus loin que... Amandine. Grégoire. Oh là là, ma Amandine, mais t'es calée sur tout. Ouais. On fait un Guetta, elle est calée. On fait un portée disparue, elle est calée. On va ressortir l'opéra, hein. C'est ça. Eh bien, Amandine, bonne réponse. C'était bien Grégoire. Plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls. Ah là là là là, stop. Je comprends pourquoi il était porté disparu, lui. Voici le deuxième extrait. Un point pour toi, Amandine, ce matin. T'inquiète pas, Cindy, tout est encore possible. Voici le deuxième artiste disparu. Il me faut le nom de l'artiste, tout simplement. Cindy. Ouh, Cindy. Cindy sur le film et Cindy d'abord. Cindy, on t'écoute. Camaro. Eh bien, oui, Cindy, non, mais oui. Donne-moi ton bon vieux Fountain Rock, baby, t'as soul, baby. Et dire que lui, apparemment, serait sorti avec Shame ou serait peut-être même toujours avec Shame. Non, c'est son manager ou son... oui, pas son manager, c'est... son manager encore, hein. Oui, oui. Ou c'est entré son producteur. Son producteur, bah ouais, bah il fait pas que la produire. Non, je pense pas qu'il la produise. Enfin, dans le sens où tu parles. Non, il se reproduit pas. Moi, je vous dis que oui. Avec Shime. Avec Shime. Non, elle est avec le joueur de tennis. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Beau-père ou belle-père, ou je sais pas. Benoît-père. Belle-père. Non, ça, c'était le jeu du bottin, la fois. Oui. C'est surtout Shime qui a une belle-père, pardon. Ouais. Eh bien, ça fait. De boucles d'oreilles. 5 euros. Oui, allez. Amandine, Cindy, ça fait 1-1. On est à ex-aequo. Pas mal, il va être chaud ce duel, je le sens. Amandine, Cindy, bonne chance. Voici le troisième extrait. Hakim, le fils du forgeron, est bonne et très forte, Amandine. Bah, c'est vrai que celui-là est facile quand même. Amandine, on t'écoute. $1. J'ai bien dit les facilités, tu passes à côté. Amandine, Cindy. C'est pas ça, Cindy. C'est pas $1. Ah, pardon. Non, Cindy. Sacrilège pour les fifous. Ah ouais, bah alors là, je suis sûr qu'il y a des gens dans leur... Mais non, j'en sais. Ah ouais, non, sacrilège, attendez, vous avez reconnu quand même. Purée. Vous envoyez duel plus la bonne réponse au 78, 100 euros le message envoyé reçu. Quel est cet extrait facile? Hakim, le fils du forgeron, est venu le chercher. Les druides ont décidé de mener le combat dans la vallée. La route de nos ancêtres, de géants de recettes. Après de bonnes grandes se sont imposés en maîtres. Et je suis devenu roi. Non, c'est pas maintenant. Je vous jure, je sais pas ce qu'on va faire d'elle. Incroyable. Allez les filles, vous l'avez trouvé celui-là. Vous envoyez duel plus la bonne réponse au 78. Facile le groupe. Chercher. Les druides ont décidé de mener la combat dans la vallée. Duel. Ouais, c'est moi. J'ai remis la machine en route. Duel. Elle démarre au quart de tour à chaque fois. Duel plus la bonne réponse au 78. Bonne chance à vous ce matin. Les filles, Amandine, Cindy, on y retourne. Voici le quatrième extrait de ce duel. Amandine. Cindy, elle est dégoûtée à chaque fois. Amandine, on t'écoute. Yubi. Oh non, Cindy. Cindy, une idée? Non. Oh lui. Oh non. Oh non. Oh c'est dur. Deuxième sacrilège. Oh là là, ouais. Celui-là, les gars, oh. Il lève les yeux vers son rêve. Alors les filles, vous avez vraiment... Vous avez pas trouvé vraiment? Si, moi j'ai trouvé maintenant, mais c'est trop tard. Ah oui, bah c'est trop tard, mais dis-le quand même, même si c'est trop tard. Nadia? Bah ouais, c'était Nadia. Bah ouais, dommage. Elle a fait quand même un petit comeback vite fait, hein, parce qu'elle était avec nous au Energy Music Tour à La Louvière. Ah ouais, bah c'est, elle a fait coucou. Alors parti. Non les gars, faut arrêter. J'aime beaucoup Nadia, mais c'était quoi ce pantalon qu'elle nous avait mis? Pas de def. Ouais, elle est dans le passé. Hein. Ouais, elle a bloqué dans les années 90. Elle est bloquée, elle est restée bloquée. Eh bien, ça fait 1-1 toujours pour vous les filles. Égalité. Oh, c'est dingo quoi. C'est le dernier extrait de ce duel. Celle qui trouve gagne, ça c'est une certitude. Et si jamais aucune de vous deux trouve, eh bien c'est qui avait répondu en premier? C'est Amandine. Eh bien ça sera Amandine qui restera la maître du duel. Bonne chance les filles. Attention Amandine, si Cindy trouve, hop là, fini la maître. Fini le maître. Hein. On y va, voici le dernier extrait. Cindy, Amandine. Oh là là, Cindy. Cindy. Si c'est la bonne réponse Cindy, tu deviens maître du duel, on t'écoute. Tragédie. Mais ça va toi? Mais je suis derrière Cindy moi. Enfin, derrière Amandine aussi mais... Tu m'entends, eh oh. L'argent dans ta poche, eh oh. La cagnotte qui monte, eh oh. Oh c'est oh oh oh oh oh oh. Et un zéro en plus, eh oh. Cindy, tu avais un point, 100 euros. Tu marques le deuxième point, 200 euros, tu deviens notre nouvelle maître du duel. Bravo. 200 euros dans ta cagnotte, c'est bien, tragédie avec... Et oh, bravo, bravo Cindy, 200 euros, nouvelle maître du duel. Bravo quand même aussi à Amandine, s'il vous plaît. Bravo, ouais. 500 euros, Amandine étudiante, 20 ans, tu vas faire quoi avec tes 500 euros? Je sais pas encore, j'ai pris un cadeau de Noël. Ouais, les cadeaux, mais pensez à vous aussi les petits chouchous. Hein. C'est gentil de faire plaisir aux autres, c'est bien d'être généreux, mais... Pensez à soi aussi un petit peu quand même. Eh bien écoute, prends soin de toi Amandine, on te souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Et puis bah voilà, 500 euros, ça va pouvoir bien dépanner pour les fêtes de fin d'année. Bisous à toi Amandine. Bisous. Bisous, bisous. Bisous. Cindy qui devient notre nouvelle maître du duel. Alors il en manquait un celui-là quand même. Oh, Hakim le fils du port Valjean est venu le chercher. Alors Cindy, tu l'as eu après, c'était quoi? La tribu de Dana. Et c'était Mano le groupe, avec la tribu de Dana. Eh ouais. Bonne réponse qui sont arrivés au 78 quand même. Il était facile celui-là, il était facile. On nous a donné la tribu de Donna. C'est la tribu des sandwichs. Merci beaucoup en tout cas Cindy, bravo ce matin. 200 euros pour toi, nouvelle maître du duel. Rendez-vous bah, demain alors, demain 8h05 Cindy. Ok oui. À demain. Bisous, bisous Cindy. À demain. Le duel énergie. Et vous aussi, si vous voulez participer au Duel Énergie, c'est très simple. Il suffit d'envoyer Duel par SMS au 78, Duel plus votre prénom. Et vous venez jouer avec nous et tenter de gagner beaucoup d'argent. On a déjà offert plus de 15 000 euros. Peut-être vous le prochain. Duel par SMS au 6018 pour vous inscrire. C'est 1 euro le message envoyé et reçu. À demain. C'est le 6-9. Get ready for the next round. Les plus gros hits à la maison. Les plus gros hits en voiture. Les plus gros hits au travail. Énergie. C'est la playlist Énergie. Playlist Énergie. Hit music only. Au Grand Saint-Nicolas, patron des écoliers, apporte des jeux consoles pour pouvoir bien gamer. Je serai toujours sage et pour pas trop payer, c'est chez Cash Converters que tu devras aller. Des prix surprenants et un an de garantie sur toutes les consoles, jeux et jeux PC. Cash Converters. Le premier choix de la seconde main. Bernard est peintre et il est costaud, très costaud. Ouais. C'est normal. Tous les jours, il est sur chantier. D'ailleurs, il a déjà peint 3 fois la superficie de la Belgique. En 19 ans. Quand Bernard prend un œuf en main, il le casse. Du coup, il ne mange que des omelettes, alors qu'il adore les œufs à la coque. Ouais. Alors, imaginez-le fermer la porte de son caddie. Le Volkswagen Caddie résiste aux plus costauds. Profitez déjà des conditions salon avec un renting financier de 0%. Offre réservée aux professionnels. Plus d'infos sur volkswagencommercialvehicles.be. Ce dimanche, votre IKEA Anderlecht est ouvert de 10 à 18h. Profitez-en pour acheter votre sapin de Noël à un prix avantageux. Plus d'infos sur IKEA.be. Pour avoir chaud, toute la famille se glisse dans un pull XXXXL. Original, mais combinez plutôt le mazout avec les énergies renouvelables. Découvrez votre combinaison parfaite sur informazout.be. Dans un petit instant, c'est exceptionnel. J'ai pour vous tout ce qui se passe chaque minute dans le monde. Genre le nombre de burgers vendus chez nos amis McDo ou Quick. Oh, trop bien. Combien il y en a qui sont vendus dans le monde chaque minute. C'est hallucinant, vous allez voir, c'est extraordinaire. Ça arrive juste après. Dean Lewis, un point sur les routes, Aurélie. Plusieurs accidents à signaler sur le 42 à hauteur du Corne en direction de Namur. La bande de droite est bloquée sur la Nationale 63 à hauteur de Boncel en direction de Marchand-Famène. La bande de droite est obstruée sur la Nationale 4 à hauteur de Tintange. Ça se passe dans les deux sens. Attention, le passage est difficile. Et puis pas mal de ralentissements à signaler. 39 minutes de perdu sur le 40 entre Everly et Woluwe-Saint-Etienne sur le 411. Vous perdez 32 minutes entre Over Race et Outer Game sur le ring extérieur entre Waterloo et les quatre bras de Tervuren. Comptez 39 minutes en plus, 29 minutes de perdu entre Wautier-Bren et Forest et sur le ring intérieur, et puis sur le 411 au sud du pays entre Abbey et Terpenich. 42 minutes de perdu. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide. And I reach for your hand, but it's cold. You pull away again, and I wonder what's on your mind. And then you say to me, you made a dumb mistake. You start to tremble and your voice begins to break. You say the cigarettes on the counter weren't your friends, they were my mates. And I feel the color draining from my face. And my friend said, I know you love her, but it's over, mate. It doesn't matter, put the phone away. It's never easy to walk away. Let her go, it'll be alright. So I still look back at all the messages you'd sent. And I know it wasn't right, but it was fucking with my head. And everything deleted like the past year was gone. And when I touched your face, I could tell you're moving on. But it's not the fact that you kissed him yesterday. It's the feeling of betrayal that I just can't seem to shake. And everything I know tells me that I should walk away. But I just wanna stay. And my friend said, I know you love her, but it's over, mate. It doesn't matter, put the phone away. It's never easy to walk away. Let her go, it'll be okay. It's gonna hurt for a bit of time. So bottoms up, let's forget tonight. You find another and you'll be just fine. Let her go, it'll be alright. It'll be pour vous dans un instant sur Energy, Aya Nakamura. Ouais, écoutez ça pour la suite des hits. Aya Nakamura qui va arriver sur Energy. 8h22, je vais vous parler de ce qui se passe toutes les minutes dans le monde. C'est hallucinant. Ouais. En chiffres, évidemment. Chaque minute dans le monde, il se passe des trucs de ouf. Notamment, par exemple, il y a presque 1 million de personnes qui n'ont pas le pied sur Terre toutes les minutes. Hein ? Ouais. Et ils font quoi ? Avec les avions. Ah oui. Il y a 1 million de personnes chaque minute qui en vol, en fait. C'est hallucinant, ouf, quoi. C'est ouf. C'est hallucinant. Entre 8000 et 10000 avions qui se baladent dans le monde dans la journée, quoi. En une journée. C'est hallucinant. C'est incroyable. Hallucinant. Environ 65 000 barils de pétrole qui sont consommés chaque minute dans le monde. Wow. On comprend pourquoi il y a des gilets jaunes. Hein, tout le temps, mais c'est vrai. Attends, c'est hallucinant, quoi. C'est incroyable, c'est vrai. McDonald's, ils vendent 4500 burgers à la minute, vieux. 4500 burgers. Ça me fait rêver, non? Dont 10 rien qu'à moi. 4500. Dont 1000 déjà rien qu'en Belgique. 4500 burgers à la minute, c'est hallucinant, quoi. Waouh. On a quoi d'autre? Ah oui, Tinder. Qui a déjà été sur Tinder? Moi. Ouais, Frisco? Mais j'ai rencontré ma copine de dessus. Ah, d'accord. Ouais. Eh bien, sache-le, il y a 18 055 matchs qui font clic sur Tinder. Attends, chaque minute. Combien? 18 000 matchs. 18 055 imagine pour être ceux qui précis. Sont sur Tinder et qui n'ont jamais de match. C'est quand que ça va être mon tour? Ah oui, ça fait beaucoup, 18 000 la minute quand même. Oui, si t'es pas dedans, ça fait mal au cœur. Ah, je dis. On parle de pinard. À votre avis, combien de litres de vin est consommé chaque minute? Ah, je croyais d'épinards. Non, de vin. Du pinard. Vin, ok. Par minute, combien de litres, à votre avis? 100 000. Quand même pas. On parle de dans le monde, hein, on parle pas chez moi. Hein, on parle plus. 1 million. Non, moins quand même. 45 600 litres de vin consommés toutes les minutes. Quand même. Hein. Purée. Par minute, ouais, ouais. Dans 5 000 rien que chez moi. Comment ils savent? Je sais pas, me demande pas ça, moi j'ai. C'est parce qu'ils font des études. Moi je fais copier-coller, imprimer. 2500 tonnes de déchets générés chaque minute dans le monde. C'est un truc de fou, quoi. C'est hallucinant, quoi. Et ça, faut faire quelque chose, les gars. 15 000 chansons qui est téléchargées sur le net toutes les minutes. 2 700 smartphones vendus toutes les minutes, vieux. 2 700 smartphones vendus à la minute. Moi, je comprends pas. On a des gens ici dans la boîte qui ont un nouveau téléphone et tous les 2-3 mois, là, un nouveau téléphone. C'est vrai. Oui, bah, Eva. Ah oui. Ah ouais, c'est vrai, mais Eva qui faisait le soir avec nous avant. Wow. Oui, c'est vrai, c'est en 3-4 mois, à chaque fois, elle a des nouveaux téléphones, elle les vend. Dès qu'il y a un nouveau qui sera, elle le prend. Alors on dirait qu'elle fait un business. Quoi. Qui sait, elle a peut-être un business dans le téléphone. Toutes les minutes dans le monde, qu'est-ce qui se passe aussi? Ça, c'est hallucinant. 2,3 millions de recherches sur Google. J'en parle puisque dans l'émission, on fait souvent des jeux avec Google. Ouais. Chaque minute, 2,3 millions de recherches sur Google. Hallucinant. C'est la base. Hallucinant. Et alors, petite information pour vous personnelle, vous la gardez. Le sang, notre sang. Ouais. Eh ben, il faut 1 minute pour qu'un globule fasse le tour complet de tout ton système sanguin. Allez. Et revenir. Il part du cœur. Chiou, il fait tout le tour. Bon, toi, il va un peu plus lentement quand il arrive à tes moufettes. Ouais, parce qu'il faut le temps qu'il se pince le nez, etc. Oui, c'est ça qu'il avance. Juste un appel et tout. Ouais, c'est ça. Je c'est les normal. Ai jetés. Ah, bonne nouvelle. Oui. Ah, ça, c'est une bonne nouvelle. Mais il fait pareil quand il passe dans ta bouche. Ah. Ah, 1 minute pour faire le tour du sang, incroyable. Voici Aya Nakamura sur Energy. Il m'a dit t'es où, je te rejoins en telle. Moi, je m'en bats les reins, j'ai besoin d'un vrai job. Il a vu mes copines, je crois qu'il a flashé. Je suis pas ton plan bête, t'as ma telle fessée. Je réponds à tes appels, tu crois que je vais la fesser. Moi, je m'en bats les reins, j'ai besoin d'un vrai job. Trop tard, trop tard, je suis trop loin pour toi. Trop tard, trop tard, je suis trop loin pour toi. lèche moi. Calvin Harris et Sam Smith qui va arriver. On a les sondages du jeudi et 2000 euros de vacances aussi pour vous ce matin si ça vous botte. Tiens, allez, fais-nous ça vite fait, Tiffany, tu nous vends ça et tu fais nous rêver. Eh bien, oui, mesdames et messieurs. Oh là, pardon. On va vous offrir 2000 euros de vacances, de quoi partir au soleil ou à la montagne. Oh bien là si là. Et croyez-vous, eh bien oui. Croyez-y ou pas, on vous offre 2000 euros. Alors, c'est pas 2 euros, c'est pas 200 euros, c'est 2000 euros. Tout ça pour partir en voyage, hein, au soleil ou à la montagne, je le disais. Heureusement, je te dis de faire vite. Hein. Ah oui, bah, c'est le code VACANCES au 78. VACANCES au 78, 1 euro par message envoyé et reçu. Et le tirage au sort dans presque, bah, dans moins d'une demi-heure hein, déjà. Donc, allez, on active. 78, VACANCES, 1 euro par message envoyé et reçu. Bonne chance à tous. I always say what I'm feeling. I was born without a zip on my mouth. Sometimes I don't even mean it. It takes a little while to figure me out. I like my coffee with two sugars in it. High heels and my jewelry dripping. Drinking, I get all fired up. Hey, hey, hey. Insecure, but I'm working with it. Many things that I could get rid of. Ain't nobody give it up. I made a few mistakes, I regret it nightly. I broke a couple hearts and I wear on my sleeve. My mama always said, girl, you're troubling. And now I wonder, could you fall for a woman like me? And every time we talk, a woman like me. Soon as I brush up on them, I can tell they like me. You know all them on them, my tribe is swipe me. Now that the peak could afford to ice me. Tell them that's a bad for me, bitch, in all your area. But the more bad bitches, then the more merrier. Daddy's to my left and to the right, a little scarier. Dude, boy, tell me, can you handle all this dairy? A million, I'm getting my billion. Greatest of all time, cause I'm a chameleon. I switch it up for every era, I'm really bomb. These bitches really wanna be Nicki, I'm really mom. Apple cut the check, I want all this money. Seven up, go grip the tech, and leave all this bloody. It's the queen and little mix, skated on, I'm sorry. My daddy is Indian, all is curry. Woman like me, like a woman like me. Let a woman like me. Young money. Pour un avenir ensoleillé, pensez à l'épargne pension de Fédéral Assurance. Dans un petit instant, c'est les sondages du jeudi qui vont arriver. Si je vous dis notamment 37% des Belges vont l'oublier dans la journée. Demandez bien c'est quoi ? Ben ouais. Eh ben vous le saurez dans un instant. 8h31, voici un point sur la météo pour aujourd'hui. Des nuages avec de la pluie, c'est ce qui nous attend aujourd'hui, entre 6 et 12 degrés pour les températures. Mais t'as fini, oui. Pardon. Deuxième fois en deux jours. Tiens, regarde, hop là, je mets 5 euros. Ça va. C'est bien. Je peux ? Oui. C'est comme dans la pub, je peux ? Merci. Voici l'actu de ce jeudi 29 novembre avec Aurélie Adam. Bonjour Aurélie. Bonjour Marco, bonjour à tous. Les Gilets jaunes poursuivent leurs actions aujourd'hui. Plusieurs barrages filtrants ont été installés dans le Hainaut. Il y en a un sur la 7 à la frontière à Anzy. Des actions sont aussi en cours à Guilanguin et à Herculines. Il y aura du monde dans les rues de Namur aujourd'hui. La FGTB organise une chaîne humaine contre la réforme des aides à la promotion de l'emploi. C'est une réforme qui pourrait aboutir à la suppression de 3500 emplois en Wallonie. La manifestation est prévue entre 9 et 13 heures entre le Parlement et le gouvernement wallon. On attend 3000 personnes. Et puis, cette manif, elle provoque quelques perturbations sur le réseau de la STIB. Du côté de Charleroi, les dépôts de Naline et de Jumet sont les plus touchés. Dans la région du centre, un bus sur deux circule. Les perturbations sont limitées en province de Liège, de Namur et de Luxembourg. Vous pouvez suivre l'évolution de la situation sur le site infotech.be. Envoyer une lettre ou un colis coûtera plus cher à partir du 1er janvier. Bipost augmentera ses tarifs de plus de 7% en moyenne. Pour un timbre, par exemple, il faudra compter 1 euro, ce qui fait une augmentation de près de 15%. On passe au sport. En football, Dortmund et le club de Bruges ont fini sur un nul blanc lors de la 5e journée de la Ligue des Champions hier soir. Les Brugeois sont à présent relégués en Europa League où ils vont disputer les 16e de finale. Toujours en Ligue des Champions, hier, on retiendra les victoires de l'Atlético Madrid 2-0 sur Monaco. Le PSG s'est imposé 2-1 face à Liverpool. Victoire du Barça 1-2 face au PSV Eindhoven. Porto a battu Schalke 3-1 et puis Tottenham s'est imposé 1-0 face à l'Inter. On termine avec du football en Europa League cette fois. On joue la 5e journée ce soir à 21h. Genk affronte Malmo. Le Standard fait face à Séville. Et un peu plus tôt à 18h55, Anderlecht fait face à Ternava. Ça sera pour l'honneur puisqu'Anderlecht est éliminé de la compétition. Aïe. Oui. Ouille. Peut-être chez une de l'ouille. Pour avoir chaud, toute la famille se glisse dans un pull XXXXL. Original, mais combinez plutôt le mazout avec les énergies renouvelables. Découvrez votre combinaison parfaite sur infomazout.be. Vous avez sauté le petit-déj ? Non ! Tant que vous sautez pas le 6-9 sur énergie. Oh, c'est pas vrai ! 8h34, bonjour ! Bonjour ! C'est jeudi les copains, on est là, on vous accompagne jusqu'à 9h, encore une demi-heure à passer ensemble. On a les 2000 euros de vacances pour vous, ça va tomber dans quelques minutes. On a aussi les sondages, ça vous plaît ça? Oui. Ouais. C'est juste après Calvin Harris et Sam Smith sur Energy. Are you drunk or not? Now to judge what I'm doing. Are you high enough to skills that I'm ruined? Cause I'm ruined. Is it late enough for you to come and stay over? Cause we're free to love, so tease me. Ooh. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. Promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. Tonight. You acting tonight. Is it loud or no? Cause my body is calling for you, calling for you. I'm here now, energy taking control. I'm speeding up, my heartbeat's dancing alone. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. Promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. Tonight. 8h37 sur Energy, bonne matinée, bon jeudi avec Camilla Cabello et les conséquences dans un instant. J'aime bien, c'est chouette, mon frère. Oh, la voix qu'elle a. Ah bah y a pas que la voix, hein. Beau physique aussi. Mais y a Camilla, tout qui est beau. Ah ouais, magnifique. Très Camilla Cabello qui va y arriver dans un petit instant. Avant ça, 8h37, voici les sondages du jeudi. Et du sondage Bev aussi aujourd'hui. Alors restez là. Avant ça, une personne sur cinq aimerait recevoir un cadeau avec cette particularité pour les fêtes. C'est vrai qu'on arrive bientôt, il y a les cadeaux. Ouais. Et ben une personne sur cinq aimerait le recevoir avec cette particularité. Mais quelle particularité? C'est un truc électronique. Jérém, un truc électronique? Non, c'est pas ça. Non. Des vêtements? Tiffany, des vêtements non plus. Un truc qu'ils peuvent refiler? Tu pourrais le refiler en soi, ce truc-là. Oui, c'est refilable. Non, mais moi, je pensais à vraiment un truc genre, j'espère qu'il va m'offrir un truc de merde, comme ça, j'ai pas besoin d'acheter d'autres cadeaux, tu vois. Ah. Oh, mais c'est dégueulasse, toi. Je suis sûr qu'il l'a déjà fait en plus. Oui. Ça promet pour les cadeaux qu'on va s'offrir à Noël. Oui, c'est ça. Sympa. Non, c'est pas ça. Non. Ça concerne l'emballage? Ça concerne. Non, pas l'emballage, ça concerne vraiment le cadeau. Le cadeau en lui-même. Le cadeau a une particularité, il y a une personne sur cinq qui aimerait le recevoir pour les fêtes. Ouais. Les savons et tout, les box savon et tout, là, non? Pas ça. Moi, franchement, hein, je l'ai toujours dit hein, à mes parents, j'ai dit, m'offrez jamais ça parce que ça donne l'impression que tu pues. Ah, bah c'est le cas. Hein. Mais hein. S'ils continuent à t'offrir des cadeaux comme ça. Non, ils m'en offrent pas du coup. Bon, bah voilà, on a déjà le cadeau de Tiffany. Non si. Un coffret shampoing. Et surtout une brosse à dents. Oh, mais, c'est dégueulasse. Elle passe vraiment pour la. Mais on rigole. Un cadeau une puante. On rigole. Venez aux émissions en public, vous verrez que je sens bon, que je suis propre. Je suis propre. Venez demain, énergie fameuse pour vous inscrire d'ailleurs. Une personne sur cinq aimerait recevoir un cadeau fait maison pour les fêtes. Tout simplement. Ah ouais. Eh bien, tu sais quoi? Tu sais quoi, cette année, avec la famille, on s'est dit qu'on allait peut-être faire ça. Des cadeaux faits maison? Faits maison, ouais. Ma cousine, elle avait fait des décorations avec du papier coloré. Comment tu appelles ça? Papier crépon. Quand tu plies les papiers, tu fais des origami. Voilà, c'est ça. De origami. C'est toujours l'idée de quelqu'un qui a du talent, tu vois, pour faire des trucs maison. C'est jamais l'idée de quelqu'un qui sait rien faire de sa main. Si j'essayais de faire ça, ça ressemblerait à ça. Et tu ferais quoi, toi, si tu devais faire un cadeau maison? Un avion en papier. On aurait dit François Hollande. T'imagines, je t'offre un voyage, je t'offre un avion. Mais fallait pas moucher. Ouais, fallait en papier, tu vas pas aller bien loin, mec. Calme-toi. 23% des femmes seraient prêtes à tromper leur conjoint si. Attends, si quoi? 23%? Des femmes, ouais. Oh, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Il est d'accord. Hein. 23% des femmes seraient prêtes à tromper leur conjoint s'il est d'accord. C'est une bonne idée, mais non, c'est pas ça, Tiffany. Jérém. Si c'est pour gagner au change, c'est-à-dire avoir un homme mieux après. Oh, la violence. Non, c'est pas ça non plus. Tiffany. Si c'est pour sauver le couple et qu'ils sont par exemple dans la dèche totale et qui a besoin d'argent parce que sinon ils sont... Ah non, moi je voyais pas ça pour l'argent. Ouais, non. Non, mais pas forcément de l'argent, mais par exemple s'ils sont à la rue et tout et qu'ils doivent pour avoir c'est trop une long. Maison, je sais pas quoi. Et donc du coup, la femme doit coucher avec quelqu'un d'autre pour sauver le couple. 5 euros. C'est beaucoup trop long. C'était trop long. 23% des femmes seraient prêtes à tromper leur conjoint s'ils n'étaient pas au courant, tout simplement. Oh. Hein? Tout simplement. Bah 100% des femmes aimeraient tromper leur conjoint s'ils n'étaient pas au courant. Et bah non, c'est 23% des femmes. Il y a des femmes qui veulent pas tromper leur conjoint. Voilà, c'est 23% des femmes seraient prêtes à tromper leur conjoint s'ils n'étaient pas au courant. 100% des hommes seraient prêts à tromper leur femme si elle n'était pas au courant. Non, même pas. Non, vrai. Non. Non. Moi, je tromperais jamais ma copine. Oh, arrête! Mais c'est vrai, je te jure! Oh, ça fait 6 mois, c'est pour ça que tu dis ça. Non, même. Non, je sais pas. On en parle dans 6 ans. C'est ta copine qui va être contente. Ah, bah oui, ça fait 6 ans. Ah, on a toujours dit, hein, 7, ça passe ou ça casse. Hein. C'est bien connu. Ça va passer. Oui, passe-crème. 37% des Belges vont l'oublier dans la journée. À votre avis, ils vont oublier quoi? Leur clé. Leur clé, Aurélie? Non, c'est pas ça. Jérém? Leurs enfants. Ouais, ça m'est arrivé hein. De quoi? T'as des enfants, tu nous as mon pas dit père, ça mon, non, mon père, non, j'ai pas d'enfants. Mon père nous a oublié à l'école un jour avec ma sœur. On attendait, il commençait à faire noir, il faisait mauvais. Et en fait, il avait été nous chercher dans une mauvaise école. Mais non, je te jure. Mais c'est excellent. Ah, il était vachement courant ton père. Ça fait plaisir. 37% des Belges vont l'oublier dans la journée. Quoi, Tiffany? Un rendez-vous. Un rendez-vous? Ouais, moi ça m'est déjà arrivé de louper un rendez-vous. Et en fait, c'était la semaine d'après. Ah ouais. Ça c'est relou. Non, c'est pas le, ça. Le prénom de leur femme. C'est dur. Non, c'est pas ça. Mais on n'est pas loin, mon Frisco. Ah ouais. C'est un prénom. C'est un prénom. Ah, ok. De leurs enfants? Non. C'est très simple. Le prénom de leur patron? Non. De leur chien? 37%, et c'est quand même beaucoup, hein, 37% des Belges vont l'oublier dans la journée, le prénom des gens qu'ils vont croiser, tout simplement. Ah oui, évidemment, ah, même, oui, même 100% des gens. Ah mais alors moi, ça, c'est, je suis le maître incontesté de ça. Hein. Je suis le deuxième maître avec toi. Ah vraiment quoi. On fait un trio. Je te jure, le mec il dit bonjour, enchanté Jean-Pierre, salut, ouais. Tu le revois deux minutes après. Ah non, merci beaucoup, c'était top aujourd'hui. Ah oui, c'est ma spécialité quoi, je ne retiens jamais rien. Et vous n'avez jamais ça, quand vous prenez le numéro de téléphone de quelqu'un que vous connaissez depuis quand même un petit temps, mais vous avez oublié son prénom, et c'est au moment d'enregistrer dans le téléphone et tu dis qu'est-ce que je mets. Eh bien j'ai une technique infaillible les gars. Tu dis, au moment où tu rentres le numéro, tu dis et ton nom c'est comment encore? Et il dit bah Bernard. Genre t'es bête ou quoi? Bah c'est Bernard. Et toi tu fais mais non, ton nom de famille, je sais que c'est Bernard. Il est malin. Ça marche super bien. Il est malin lui. Ouais. Et c'est pas mal. Ou alors comment t'écris déjà ton nom de famille Ah ok. Mais non, parce qu'il va te dire ton nom de famille, t'as toujours pas son prénom. C'est pas faux. Et c'est vrai que ça n'aide pas du coup. Ouais, ça, et puis tu l'as appelé Dupont toute sa vie. Merci Camille et Camilo. Glasses on the sink, they didn't fix you. Lonely pillows and a stranger's bed. Little voices in my head. Sacred caving, stop the bleeding. Lost a little weight because I wasn't eating. All the songs that I can listen to tell the truth. Loving you was young and wild and free. Loving you was cool and high and sweet. Loving you was sunshine, safe and sound, a steady place to let down my defenses. But loving you had consequences. Hesitation, awkward conversation, running on low expectation. Every siren that I was ignoring, I'm paying for it. Loving you was young and wild and free. Loving you was cool and high and sweet. Loving you was sunshine, safe and sound, a steady place to let down my defenses. But loving you had consequences. I'm loving. Merci Camilla, c'était beau. Tout est moustillé. 8h46 au Fun Mac. Ça va arriver dans un petit instant avec notre Tanguy National aussi qui est déjà là dans le studio. Buongiorno. Rui Morgan. Tanguy, le beau gosse de la radio qui arrive avec vous à partir de 9h pour la playlist partagée. On en reparle avec toi mon ami dans quelques secondes. Avant ça, j'ai 2000 euros de vacances pour vous. Et ouais. Vous gagnez sur Énergie 2000 euros de vacances. C'est l'avant-dernier, 2000 euros, ça va tomber là dans moins de 10 minutes. 2000 euros de vacances pour chez vous, si vous voulez les gagner c'est simple, il suffit d'envoyer vacances au 78, c'est 1 euro le message envoyé et reçu. Vacances au 608, vous envoyez ça maintenant. Vraiment, traînez pas les fifous, puisqu'on appelle dans même pas un petit quart d'heure. Voilà. Ah bah c'est la dernière minute pour s'inscrire. C'est now. Simplement. It's now or never. Or never. Or never, never, or never. Never, never. Or now. Voilà, il y a à vous de choisir. Dernier, avant-dernier, puisqu'il y a encore demain. Donc c'est vrai que je vous mens pas. Si vous voulez attendre demain, vous pouvez attendre demain. Il n'y a pas de souci, c'est comme vous voulez. Et comme on dit toujours, hein, on attend, et puis hop là, pas sous les dents. Donc, sous le nez plutôt. Sous les dents. Si vous voulez gagner ça, vacances 6-0-1-8, bonne chance à vous. On vous appelle dans moins de 10 minutes, le temps d'écouter Offenbach. Et on a une petite surprise pour toi, mon Tanguy. Arrête. Il me semble qu'il y a un événement bientôt pour toi. Mais non. Vas-y, c'est une blague. C'est quoi? C'est mon anniversaire. Quand? Vendredi. C'est demain? Demain. Ouais, mais je suis pas là demain. Donc, ah bah justement. Donc quand t'as réservé. Mais non, c'est pas possible. Si, arrête. Tout est possible ici. Et non, j'y crois pas. À tout de suite. Ne bouge pas. Ah là bouge là, pas. Non, c'est trop chiant. C'est le 6-9. Gagnez vos places pour le concert de MHD avec la phrase énergie. Pour jouer, inscrivez-vous vite sur l'appli Énergie Belgique ou sur énergie.be. Et à tout moment de la journée, si on vous appelle en direct, répétez la phrase Énergie. Je veux aller au concert de MHD avec Énergie. Cette phrase vous permet de gagner vos places pour le concert de MHD le 17 janvier 2019 à la Rocale du Luxembourg. Énergie. Grosse la puissance. Hit music only. Chez Dreamland, il y a toujours des tas de jouets pour les cadeaux de dernière minute au meilleur prix. En magasin et sur dreamland.be. Des tas de jouets et les meilleurs prix. Ça, c'est un deal. Trop bien ! Dreamland ! Tout est plus avant ! En jouant ! Chez Carrefour, nous pensons que tout le monde a droit au meilleur. Surtout ceux qui adorent leur mémé. Enfin, mémé et sa super recette de lapin au pruneau. Un mémé ! Alors jusqu'à mardi, dans tous les magasins Carrefour, notre délicieux lapin entier découpé est à moins 40%, soit 6,40€ le kilo. Carrefour, on a tous droit au meilleur. Oh, bonjour Max. Tes parents m'ont dit que tu as été très sage. Eh bien voilà pour toi, un os de dinosaure. Et non, Saint-Nicolas n'a pas oublié vos animaux. Du 28 novembre au 8 décembre, Tomenco vous offre 20% de réduction sur les jouets pour chiens et chats. Conditions en magasin. Tomenco, votre animal et vous. Yeah ! Maintenant, je vise la confiance en moi. J'ai vraiment besoin d'atteindre ce niveau pour décrocher mon futur job. Attitude professionnelle, gestion du stress, remédiation en maths. Développe toutes ces compétences et bien d'autres encore lors de nos ateliers sur mesure organisés dans ta région. Gagne un niveau et rapproche-toi de ton futur job. Plus d'infos, jeune.leforum.be. Chez Mercedes-Benz, nous avons surpassé vos attentes du Black Friday. Car chez Mercedes-Benz, le Black Friday devient le Black November. Cela vous donne plus de temps pour profiter de nos conditions exceptionnelles en private lease. Il s'agit d'un loyer mensuel fixe tout compris, et cela sur pas moins de 7 modèles différents en stock. Ainsi, vous prenez déjà le volant d'une CLA coupée pour un loyer mensuel de 353€ TVA comprise. Infos et conditions sur mercedes-benz.be ou chez votre concessionnaire agréé Mercedes-Benz. Offre valable uniquement pour les particuliers. Touring, 200 patrouilleurs pour vous venir en aide 24h sur 24. Demain, c'est l'anniversaire de notre Tanguy, notre chouchou, qui est juste après nous. Ah, je vous jure, vous me faites un petit peu stresser. Ah bah tu peux. Oh, tu, oh, peux. Oui, tu peux. Et j'ai envoyé un message à mes amis pour dire écoutez la radio maintenant. Comme dirait Tiffany, tremble. Oh non. Ça va être dans un instant la surprise pour Tanguy, puisque c'est son anniversaire demain. Avance un petit point sur les routes, Aurélie. Un accident s'est produit sur le 40 à hauteur de Herve en direction de Liège. La bande de droite est bloquée. Accident sur le 42 à hauteur du Cornu en direction de Namur. Là aussi, la bande de droite est bloquée. Sur la Nationale 4, un accident s'est produit à hauteur de Tintanche. Attention, ça se passe dans les deux sens. Le passage est difficile. Et puis, pas mal de ralentissements comme tous les jours. Sur le 40, 36 minutes de perdu entre Everlé et Woluwe-Saint-Étienne. Sur le 411, vous perdez 34 minutes entre Rixensart et le carrefour Léonard. Il y a aussi des bouchons sur le ring intérieur. Comptez 35 minutes en plus entre Woutier-Brenne et Bercel. Sur le ring extérieur, vous ralentissez entre Mont-Saint-Jean et Oulart. Comptez 43 minutes en plus. Et enfin, au sud du pays, sur le 411, ça bouchonne entre Abbey et Serpeniche. Comptez une heure en plus. Jam. I see you walking with a hippie dance. Your neon skirt pants are turning ugly into Neverland. Yeah, you smile and take my baseball cap. Ooh, I never ever had. Dans un instant, Tanguy, pour vous accompagner à partir de 9h pour la playlist partagée. Notre Tanguy, qu'on aime beaucoup. Merci, oui, c'est moi aussi. Oui. Et c'est son anniversaire demain. Oh, ouais. Ça va te faire quel âge, mon poussin? 29 ans. Oh. Et tu ne seras pas là demain? Non, en fait, ma copine m'a demandé de prendre congé demain, mais je ne sais pas du tout ce qu'on va faire, donc voilà. Je suis un petit peu stressé, ouais. En mode surprise? Bah, je suppose, mais je suis pas. En fait, allez, pour être honnête, j'aime pas trop moi les surprises, donc c'est pour l'instant c'est pas un plaisir. Eh ben, on a une surprise pour toi. Si t'aimes pas ça. Nous avons décidé aussi de fêter ton anniversaire avec toi. Parce que demain tu ne seras pas là parce que tu vas le fêter forcément avec ta chouchoute. Du coup, on va le fêter aujourd'hui un petit peu en avance. Ouais, mais tu sais qu'on le fait toujours de manière un peu voilà. C'est le 6-9, hein, donc t'enflamme pas. Nous avons décidé, puisque on dit tous les jours que tu es le beau gosse de la radio. Et c'est vrai, tu es beau gosse, mon Tanguy, faut le dire. Parce que ça, c'est complètement subjectif. Non. On a eu des fifous dans le public qui faut le dire. Qui ont dit oui. Nous allons faire tomber le mythe ce matin. Oh non. Avec un quiz de la dignité pour Tanguy. Oh, on a des dossiers. Ah non. Nous avons des photos dossiers, des vidéos dossiers de concert. Non, pas possible. Et nous allons jouer avec Johanna ce matin qui vient jouer au quiz de la dignité pour toi. Bonjour Johanna. Bonjour l'équipe. Bonjour. C'est Johanna qui travaille comme comptable du côté de Libramont. Elle est mariée à Thierry et elle a deux enfants qui s'appellent Lucas et Léna. Elle aime beaucoup les animaux. D'ailleurs, c'est une petite ferme qu'elle a à la maison. Chien, chat, poule, oie, canard, lapin, biquette. Il y a pas mal de choses. Et puis en ce moment, elle regarde la série The Good Doctor. Ah, très bien. Bonjour Johanna, sois la bienvenue ce matin. Johanna, nous allons jouer avec toi pour Tanguy. Il est pas bien, j'adore. Non, je sais pas ce que vous avez en plus. C'est un quiz de la dignité, donc Johanna, c'est un quiz de culture générale. Tout simplement. J'ai devant moi 4 questions. Ok. 3 bonnes réponses. Non. Et on envoie. Et on envoie. Du dossier. Du dossier sur toi, mon Tanguy. Même si t'en as 0, on en verra un. Photo, vidéo, on mettra tout ça évidemment sur notre groupe Facebook, les Fifous du 6-9 sur Énergie et sur Instagram. C'est qui répond? C'est moi ou c'est Johanna? C'est Johanna. Ah, Johanna, elle est comment? Non, vas-y. Hein. Justement, si elle a 3 bonnes réponses, on balance du dossier sur toi. Alors non, je te sens un petit peu fébrile ce matin. Johanna, on y va avec ce quiz de la dignité pour faire tomber du dossier sur Tanguy ce matin. C'est son anniversaire, faut lui fêter comme il se doit. Voici la première question. Dans la BD Tintin et Milou, de quelle couleur est Milou? C'est une blague. C'est de la culture générale. Mais ouais, c'est de la culture générale. Est-ce qu'il est jaune? Est-ce qu'il est bleu? Ou est-ce qu'il est blanc, Johanna? Il est blanc. Mais évidemment. Ouais. Hey, franchement, c'était chaud. C'est une question difficile en plus. C'est pas juste. Hein. Combien y a-t-il de grammes dans 1 kilo? Est-ce qu'il y a 100 grammes? Est-ce qu'il y a 50 grammes? Ou est-ce qu'il y a 1000 grammes? 50 grammes. 1000 grammes? Mais c'est incroyable, waouh. 2 sur 2. Encore une bonne réponse. Encore une bonne réponse, on fait tomber le dossier. Johanna, c'est mon anniversaire, s'il te plaît. Lorsqu'on va à la pêche pour pêcher le poisson, comment appelle-t-on l'appât ? Est-ce que c'est le bœuf, l'écureuil ou l'asticot ? Et publie directement la photo. L'asticot, c'est plus facile. Oh non ! Oui ! Ah, attends, allez, encore un bonus. La dernière pour le plaisir. Quelle est la forme du panneau céder le passage ? Est-ce qu'il est rond ? Est-ce qu'il est carré ? Ou est-ce que c'est un triangle ? Elle va se tromper. Non. Céder le passage, il est comment ? Rond, ah oui. Carré ou triangle ? Triangle. Je cherchais comment il était. Triangle. Eh bien, pour l'anniversaire ce matin de Tanguy, le quiz de la dignité, c'est un 100% sans faute. Johanna, c'est du dossier qui va tomber. Bon anniversaire, Tanguy. Bon anniversaire. Merci, merci Johanna. Est-ce qu'on peut dire merci à Johanna? Bah, évidemment. On lui dit merci, évidemment. Eh bien oui, Johanna. Bon anniversaire, Tanguy. Merci, Johanna. On a du cadeau pour toi aussi, Johanna, évidemment. J'étais, c'est Tiffany qui va t'offrir ça. Et puis, bah oui, bon anniversaire, mon Tanguy. Ouais, Jérém. Merci. Je vais quand même montrer à Tanguy les photos qu'on va mettre sur Instagram. Ah non, j'ai peur. Alors il y a celle-ci. Oh non, montre. Oh, oh non, mais ça c'est pas juste quoi. T'avais quel âge là-dessus? Je devais avoir 8 ans je crois, pas de dents, des énormes lunettes. Allez voir sur Instagram, c'est le 6-9, les fifous du 6-9. Regardez celle-là. Oh non. T'as trouvé ça où? Alors il faut que tu m'expliques, c'est quoi cette coupe de cheveux? En fait, quand je suis parti aux États-Unis, c'était un black qui m'avait coupé les cheveux. Et en fait, les cheveux des blacks sont complètement différents. Et donc leur tondeuse est complètement différente. Et en fait, il avait fait une très belle coupe. Et à la fin, il a voulu rectifier le truc. Et ça s'est complètement gouré. Donc on a dû tout raser. Il a une crête du roux, quoi. Voilà. C'est magnifique. On dirait. Oh non, c'est pas. Mais on dirait Nengolan. C'est Mathilde qui vous a donné ça. Oh non! Ah, il y en a trois! Il y a trois photos, j'ai mis trois photos. Trois photos dossier pour l'anniversaire de Tanguy. Venez voir ça, c'est les fifous du 6-9 sur Énergie. Ah, c'est un beau gosse! Hein. Qui nous a envoyé ces photos? C'est Mathilde. Alors, il y a Mathilde, j'en avais aussi, parce que je connais Tanguy depuis longtemps. Enfin, voilà. C'est génial. J'ai envie de dire merci et pas merci. Avec grand plaisir, mon bichon. Non, mais franchement, je suis quand même un petit peu ému que vous avez pensé à moi. Bah, du attends, et on c'est quand même. Mais t'es notre ami, c'est normal. Oh. Bon anniversaire, mon Tanguy, un petit beaucoup. Peu en avance. Et on va mettre tout ça. Donc, les fifous du 6-9 sur Énergie, venez voir ce groupe, venez voir cet Instagram. Il y a du dossier sur Tanguy, il est magnifique. Je vous le dis, il est magnifique. Crête d'Iro, quoi, on dirait Nengolan. Voici Dimitri Vegas avec Mike avant de se quitter. Trees. It's true if you believe, you can get anything you want to achieve. And that's worth to everything tatted on my sleeve. It ain't what you see, a G is underneath. I've left plenty positions of feeling comfort. When shit ain't cool, fools run for it. You gon' remember my name when I'm done with it. And when it's said and done, I'll be at the top where the summit is. 10 toes, we the ones who run it. Everything running smooth, there ain't no dysfunction. If we talking money, homie, that's a good discussion. I'm talking motivation with no interruption. When I grow up, I wanna be like Wiz Khalifa. Have lots of cool stuff. When I grow up, hear my music through the speakers. I wanna feel love. When I grow up, I wanna have enough to pay the bills. And buy my mama house upon a hill. I wanna be like Wiz Khalifa. When I grow up, when I grow up. Person, I'ma always give my all, yeah. Haters talking down, they wishing that I fall, yeah. Every time I get a chance, know that I ball, yeah. Anytime I need my game, they right there for me. I go hard, yeah, from the start, yeah. Never tried to rush things, I play my part, yeah. Never said it's easy, they could make things hard, yeah. Every time you see me, look like we performing. I'm a star, yeah, living large, yeah. Look at me like a boss because I paid the cost, yeah. Had to slow but down, I had too many bars, yeah. Now I got the younger kids singing out. When I grow up, 9h03 sur Énergie. Bonne matinée tout le monde. On se quitte avec les 2000 euros. Vous gagnez sur Énergie 2000 euros de vacances. Allez, comment que c'est trop cool. 2000 euros de vacances, c'est l'avant-dernier qu'on vous offre. Il y aura encore demain la possibilité pour vous de gagner le dernier chèque, le dernier package, puisque vous pouvez choisir, c'est ça qui est cool. Nous, on vous file 2000 euros, et après vous partez où vous voulez. Vous avez la France, la Corse, il y a la plage, il y a la montagne, enfin voilà, ouais, c'est plutôt cool, vous pouvez vous faire plaisir. 2000 euros pour vous, il suffit d'envoyer vacances par SMS au 6018 pour s'inscrire. C'est 1 euro le message envoyé et reçu. Inscrivez-vous demain, dernière chance. On appelle le gagnant pour aujourd'hui. Et demain sera peut-être vous, donc allez-y, vacances au 78. Il faut répondre, c'est mieux. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Ah, vous avez déjà grillé. C'est comment ton prénom? C'est Sandrine. Sandrine, eh ben Sandrine, jeudi 2, jeudi 0, jeudi 0, jeudi 0, ça fait 2000 euros de vacances, c'est gagné. Oh, c'est parfait, je suis pas. 2000 euros de vacances pour toi, Sandrine, ce matin. Bravo, bravo. Qu'est-ce qui te fera plaisir, la montagne ou la plage? Alors, a priori, mon fils va peut-être être un petit peu déçu, mais ce sera la plage. La plage? Oui, oui, oui. Mais il voulait la montagne, toi, apparemment, le ski, c'est pas trop ton truc, Sandrine. Mais disons que je skie très, très mal, au grand désespoir de mon fils. Mais je pense que je vais me faire plaisir. Et par la même occasion, il sera très très plaisir aussi. Il pourra faire du ski sur l'eau. Hein. Du ski nautique. Attends, bah oui, il y a moyen de faire les deux. Et bon, merci Sandrine en tout cas d'être avec nous chaque matin, de nous écouter. Quelle super surprise. Et voilà, belle surprise pour toi. Une belle journée qui démarre avec 2000 euros de vacances. Merci les fifous. Avec grand plaisir Sandrine. On t'embrasse très fort, une belle journée et à très vite. Merci, on vous embrasse. Bisous. Merci. Bisous. Bisous, merci, bisous Sandrine. Merci. Bisous, bisous. Les fifous. Rendez-vous demain pour l'émission en public, parce que demain c'est le dernier vendredi du mois et on va se faire plaisir avec Léa Passy qui sera notre invitée. Ouais, on va chanter en live. Ouais, Léa Passy, si vous vous souvenez, c'est ça. On cherche un passage en boussole, en dérapage, en survol. Sera avec nous demain dans l'émission. Léa Passy, notre invitée pour cette émission spéciale en public, comme tous les derniers vendredis du mois. Vous pouvez vous inscrire d'ailleurs energie.be, comme ça vous venez avec qui vous voulez, avec vos potes, avec la famille, avec des collègues, n'importe qui. Vraiment, vous êtes les bienvenus, c'est gratos et on vous offre du cadeau, on vous offre le petit-déj et vous allez pouvoir rencontrer Léa Passy de près. Plutôt cool. Il y a des artistes à chaque fois qui viennent tous les derniers vendredis. Se brise adolescent, Léa Passy demain en live dans l'émission dans le 6-9. En plus demain c'est une spéciale puisqu'on dernière émission du mois en public évidemment, mais on va se la faire en mode pyjama. Cool. Et ouais, pyjama party demain entre 6h et 9h. Soyez là les fifous. On vous souhaite une excellente journée. Rendez-vous demain dès 6h et surtout ne vous prenez pas la tête. Allez voir la photo de Tanguy sur Instagram. Oui, le quiz de la dignité, il est magnifique. Ah ouais, vraiment, c'est les fifous du 6-9 sur Énergie pour nous retrouver. Bonne journée. C'est mon signifié. Que tu vivras ta vie sans aucun souci sur Énergie. Hakuna Matata. Hakuna Matata, les amis. Allez voir ça, vraiment, ça vaut le détour. Si vous voulez une bonne tranche de rire pour démarrer la journée. Les fifous du système sur Énergie pour en trouver sur Instagram et Facebook. On a mis des photos dossiers sur Tanguy. Et comme quoi, c'est allez, c'est un truc philosophique pour la vie. On peut tous changer dans la vie. C'est vrai. Et heureusement. On parle pour toi. Hein. C'est vrai, la péruvienne, qu'est-ce qu'elle dit. On vous souhaite une excellente journée, les fifous. Rendez-vous demain dès 6h pour la dernière de la semaine, vendredi. Ça va être terrible, je vous le dis. Soyez là, il y aura Mickey et Flo aussi. Ah, nos musicos qui vont être là, ça va être génial. À demain. À demain. Le 6-9 revient. Demain, dès 6h. Dès 6h sur Énergie. Les femmes sont l'avenir du numérique. Tu me crois pas? Wallonia Wonder Woman, action. Parce que c'est vraiment l'avenir, c'est intéressant. Ça n'a pas de limite et on peut travailler dans n'importe quel domaine. Se mettre la barrière de « bah non, moi je suis une fille, les filles elles font pas ça ». C'est pas vrai. Tout le monde devrait faire du numérique. Wallonia Wonder Woman, première. Découvre leur parcours de ouf sur digitalwallonia.be/woman. Digital Wallonia, nous transformons la Wallonie. And you're listening to Énergie. Énergie, hit music only. Elle a été sur energie.be et elle a choisi 5 titres. Moi, je vous les partage ce matin. Voici la playlist partagée de Pascal. Pascal qui a eu envie de se faire plaisir et faire plaisir aussi à ses collègues. Puisqu'elle a laissé un message, elle a dit pour mes collègues adorés, pour bien démarrer la journée. Ça, c'est super gentil. Mais elle a quand même choisi « Ça m'énerve » de Helmut Fritz. Alors, est-ce que c'est pour ses collègues? Genre quand il parle trop, « Ça m'énerve !» Helmut Fritz, juste après Bruno Mars. You're fine.